Vous ayez peur d'être minoritaire culturellement. Non, mais n'ayez pas peur de ça parce que ça va se passer. Toutes les études démontrent que les migrants dont vous parlez s'intègrent et deviennent d'une certaine façon plus français que les Français. C'est eux qui ensuite assument les vertus françaises. Moi, personnellement, cette théorie du grand remplacement, ça n'est pas la mienne. C'est une théorie qui est fantasmatique, conspirationniste, raciste, raciste au dernier degré. Que Dieu tue les blancs! Que Dieu vous tue! Bonjour à tous, chers amis. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 2, épisode 45. Alors, comme chaque semaine, je procède au rappel traditionnel. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Vous pouvez aussi nous suivre, bien évidemment, sur notre site internet, c'est évident, démocratieparticipative.biz, et sur la chaîne YouTube de Démocratie Participative, pew.tube, comme YouTube, tube, hein. Vous tapez Démocratie Participative et vous trouverez normalement la chaîne. Je crois que c'est Dempart, normalement, le nom de la chaîne, un truc comme ça, et on les upload normalement, en tout cas pour l'archivage, même si vous pouvez toutes les retrouver par ailleurs sur le site internet, hein. Ça va sans dire. Alors, je vais présenter nos participants de la semaine, hein. Je commence avec Derrick. Comment vas-tu, Derrick, depuis Munich, près de Marseille, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oh là, ben ça va très très bien, Gandalf. Une semaine très riche. On va en parler dans quelques instants. Alors, c'était vraiment sympa. Elle est épaisse. Oui, épaisse, elle est grasse. Elle est épaisse, effectivement. On a aussi avec nous Hopman America. Comment vas-tu, cher Hopman? Bah, salut Gandalf, salut les participants, salut les auditeurs, ça va, merci. Pour faire court, en avant les nègres, hein, comme chaque semaine. En avant Guingamp, bien sûr. J'enchaîne avec Argaël, qui devrait nous gratifier de ses commentaires toujours légers, hein, et peu vindicatifs. Salut Argaël. Salut, bah oui, c'est vrai que la légèreté, ça me définit très bien. Et puis là, l'esprit de Noël, en fait, va m'inciter à toujours plus de tolérance, toujours plus d'acceptation de l'autre et partage. J'espère répondre à vos attentes de démocratie participative dans cette nouvelle émission. Oh, je pense que tu ne nous décevras pas, cher Argyle. J'enchaîne avec notre ami Fulbert. Salut Fulbert. Bonjour Bernard et bonjour à tous. Volksführer des Wallonien, c'est ça? Jawohl. La francophonie est bien représentée dans l'émission. J'enchaîne aussi avec Léon. Je parlais francophonie, là c'est le Québec qui est avec nous. Salut Léon. Bonjour, mein lieber Gandalf. Je vais très bien. Magdav est aussi avec nous cette semaine. Salut à tous, chers amis. Alors nous sommes tous des Königsteiger et vous êtes tous, chers amis, des tigres royaux. Ah. Absolument. Les références techniques de l'émission, vous l'aurez remarqué de vous-même. Alors, on va enchaîner sans problème. Et on va pas tellement quitter la thématique allemande ou germanique, hein, puisqu'on va procéder aux remises de médailles de la semaine. Alors, chers amis, je continue de vous répondre par email, bien sûr. J'ai rattrapé un certain nombre d'emails qui étaient en retard, vous ne m'en voudrez pas. Mais il en reste encore en retard, donc ne vous affolez pas, vous n'avez pas reçu de message, vous en faites pas, c'est normal, je suis en retard. Mais éventuellement, si vous vous inquiétez en disant « mais comment ça se fait ?», vous pouvez me renvoyer un email quand même, par acquis de conscience, quoi, il n'y a pas de problème. Du coup, toutes les vidéos, hein, et les photos du Migrant Challenge ou de l'opération témoin n'ont pas encore été diffusées, donc que ceux qui les ont réalisées ne s'inquiètent pas. On va les publier, on les publie systématiquement, mais cette semaine j'en ai passé deux, Alors, première remise de médaille, croix de fer, deuxième classe, au camarade Cornelius, pour une vidéo prise sur le vif, dans un endroit que je ne connais pas, où deux négresses parlent dans un sabir qui m'est inconnu, et c'est entremêlé de mots français. Hein. Et à la fin, on découvre les tenants et les aboutissants, parce qu'elle dit « j'ai mal à mon corps ». J'ai mal, oui. Un truc comme ça. Alors, et, tu oui. ne connais pas le sabir, mais il y a parmi nous des négrologues, et je puis t'assurer à 90% qu'il s'agit là d'Ivoiriens d'ethnie BT, et qui parlent de leur sabir. Et là, tous les auditeurs de Démocratie Participative sont stupéfaits de la sapience du camarade d'Eric. Exactement. Négrologue Bravo. En chef. Ethnie PT. BT. Ah, BT. BT. BT, bravo. BT. Bravo. B écho. Comme Banania. B comme Banania, voilà. Exactement. Voilà, alors, on va écouter un extrait de cette très belle vidéo. Nos auditeurs vont en profiter tout de suite, là. Lobby, lobby, on joue au Taiwan, comme ils ont tous un arbre caca, productif, tout à la balle. Donc, votre animal, tu es un arbre. Ben là, madame, nous, d'accord, nous, ça gagne, non? Bah, là, ça gagne, bah, génial, manquez là, pas de chance. Yes. Il y a moi qui dit. Comme vous n'êtes pas moi. C'est un lobby, comme ils ont tous un arbre caca. C'est bon, continuez. Mais pour eux, continuez, ça fait la boue. Parce que déjà, je suis en train de souffrir dans mon corps. Tu crois que moi, je ne souffre pas? Tu crois que toi, tu crois que donc, je vais monter dans la corde. Je crois que c'est la vie. Voilà. Bon. Camarade Cornelius, toute l'équipe de Démocratie Participative te remet avec fierté cette croix de fer de deuxième classe et tu rentres toi aussi au Panthéon de Démocratie Participative. C'est bien mérité. C'était donc pour l'opération témoin. Hein. Prenez vos smartphones, filmez dans les transports en commun, dans les rues, quand vous voyez une situation absolument invraisemblable, hop. Voilà, faites semblant d'appeler votre messagerie vocale, voilà. Et puis allez-y. Allez-y, voilà. Envoyez-nous des petites pépites, ça tourne très bien d'ailleurs. Ça tourne très très bien. MP4, ping, c'est diffusé. Hein. Alors ça c'est pour le camarade Cornelius, bravo camarade, on te salue. Et j'enchaîne, toujours opération témoin, alors là... Toujours du nègre, ah, de qualité supérieure, label rouge, garantie pas français du tout, mais, mais français quand même. Alors opération témoin se poursuit, c'est de la négrologie de pointe, c'est le nègre herbivore. Alors pour le coup, à dos orange, spécimen absolument première fois observé dans l'état dans son milieu naturel. Enfin pas tellement naturel parce que c'est une espèce d'importation. Ouais, c'est mais ce qu'appelle bon. La Seine-Saint-Denis. Voilà. Alors on va l'écouter parce qu'il fait du bruit aussi. Mais il y a aussi des images bien sûr et des images très saisissantes. Mais d'abord le bruit, juste pour se plonger dans le truc très brièvement. Hein. Voilà, alors, décrivons un peu la scène, cher Derrick. Que fait notre oui. nègre? Alors, nous avons une négrillon, plante. Un négrillon sautillant, hein, qui ma foi, semble-t-il, a des vers, hein, peut-être, je ne sais pas, et qui te trouva un ficus planté dans un pot dans une gare, voilà une occasion de se nourrir hein, pour le reste de la journée, donc il mange les feuilles du ficus, c'est beau. En sautant c'est... et en criant. Voilà. Moi, l'émotion m'a submergé quand de la découverte de cet être chétif, innocent, d'une délicatesse absolue, herbivore effectivement à dos orange, j'ai versé ma larme. Magnifique, magnifique, belle prise. Je ne connais pas le lieu, je connais l'auteur, c'est Kubi. Bravo Kubi à toi. Bravo Kubi. Be- Ah, bravo Cubi, hein. Pareil. Remise officielle, croix de fer de seconde classe pour toi. Très belle prise de vue. Et cher reporter participatif, continuez. Si vous avez déjà réalisé une vidéo, réalisez-en d'autres. Si vous n'avez pas encore réalisé de vidéo, réalisez encore. Opération témoin. L'opération témoin, c'est important. C'est important. Les Français, je l'ai déjà dit, les Français veulent savoir. Les Français ont le droit de savoir. Quelqu'un d'autre sur ces vidéos, si vous... enfin, je pose la question à tout hasard. Hein, nos participants ont aussi le droit de donner leur opinion, hein, s'ils les ont vus. Non, non. Rien de spécial. Je découvre, mais je suis quand même... je veux dire, le nègre herbivore, c'est quand même... c'est un concept. Moi, tu vois, je préfère les nègres herbivores aux nègres carnivores, quelque part. Nègre mais cannibale, je me dis même. Que, quelque part, tu vois, s'il y a surpopulation, eh ben, on pourra faire de la régulation entre nègres. Bon, il suffit juste de les renvoyer. Et puis on va recréer un écosystème en Afrique. Alors moi, quand j'ai vu les images, je me suis dit, putain, c'est sûr, le système de retraite, il est sauvé, là. Là, j'étais confiant, oui. Là. Oui, ça va faire. Le financement, là, c'est bon. Oui. Je valide. J'étais un peu maussade, sans mauvais jeu de mots, d'ailleurs. Puis, non, quand même, finalement, on a pêché par excès de pessimisme. Cher Argyle, tu as découvert aussi cette magnifique prise de vue. Là, on se croirait dans un documentaire, là, très chasse, très pêche, un petit peu, vous voyez. Enfin, plus exotique, peut-être National Geographic, un truc comme ça, vous savez. Non, ça va, non. Voilà, qu'est-ce que t'en dis, Argyle? Bah là, j'ai pas trop les connaissances scientifiques là-dessus, sur l'étude de ce genre de spécimen. Je vois qu'il a un côté végétarien qui vient peut-être d'une tribu reculée d'Afrique qui a un rapport particulier avec les plantes. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que ce genre d'individu va grandir et que la vidéo a été tournée en France. Et je pense que un jour, il pourra manger autre chose que des feuilles ou que ça agrémentera peut-être un autre type de repas. Mais je suis pas certain, tu vois, que ce garçon et toutes ses facultés mentales, et malheureusement, il y en a de plus en plus chez nous, en France, en Europe, qui, à mon avis, vont causer problème dans quelques temps ou très rapidement. Donc voilà, ça ne m'inspire rien de bon, tout ça. Oui, non, mais il faut penser aux cultures. Hein. Ça bouffe... Ils vont bouffer les cultures, il va falloir penser à une régulation de la population, quand même. Ah c'est quand même mieux que le cannibalisme. Bah, disons que ça va. Disons que pour le moment, moi j'ai toujours dit de toute façon il fallait classer le nègre dans la catégorie des nuisibles. Ouais, il y a des catégories, ouais. Vous savez, le renard est considéré comme un nuisible, il y a une définition très précise. Et bah c'est marrant, mais un coup je lisais la définition du nuisible, enfin, très officielle, hein. Et je me dis, putain, mais c'est marrant, ça ressemble au bougnoul et au nègre en fait, ce truc, tu vois. Et bah, mais écoute, chez nous, le sanglier est nuisible. C'est effectivement, oui, il y en a trop, ça. Bah écoute, oui, mais moi je trouve que le nègre est quand même plus nuisible que le sanglier. Si. Quand même. Alors peut-être qu'un jour un ministère dira peut-être des battus. Oui, classé en tant qu'espèce invasive en fait. Pourquoi pas? Comme les chenilles. Mais tu faisais une comparaison avec les sangliers, je te trouve très injuste. Il n'y a rien de plus mignon qu'un marcassin. Un marcassin, c'est splendide. Ouais, ça réussit. Un petit négrillon qui mange des plantes vertes, c'est un peu. C'est pas très beau quand même. Oui, non, mais c'est le chevreuil, tu vois. Bon, là, on va partir. S'il ne bouffait que des plantes vertes, ça irait encore. Mais bon, hein, voilà. Alors, les amis, passons à notre rubrique autisme radical. Évidemment, c'est le moment, c'est l'instant. Je commence avec le premier sujet. Très beau sujet pour autisme radical. Cologne. Des bracelets respect, entre guillemets, hein, respect, pour les Allemandes afin d'inviter les migrants musulmans à ne pas les violer lors du Nouvel An. C'est authentique aussi. C'est... Ah, bah tiens, on reste dans le domaine de la chasse. Hein. Il y a les bracelets pour sangliers. Donc là, on a les bracelets pour migrants. Quand ils vont violer les gosses, ils prennent le bracelet. C'est ça. C'est merveilleux. Alors chasse, attendez, parce que... Chasse, pêche, nature et tradition. C'est ça. Je vous livre la traduction de l'article de Breitbart. C'est Breitbart London, d'ailleurs. La ville de Cologne a annoncé qu'elle allait distribuer des bracelets avec l'inscription « Respect » pour encourager la compréhension entre les personnes pour les fêtes de fin d'année. Plus d'un millier d'agressions sexuelles par des migrants musulmans avaient été commises en 2015. Ça, c'est une précision. Donc les bracelets font partie d'une nouvelle campagne intitulée Respect, sponsorisée par la municipalité et la maire controversée Henriette Recker. Nombreux sont ceux qui ont dénoncé la campagne sur les réseaux sociaux, la comparant à ses commentaires peu après les attaques de 2015, qui appelaient les femmes à se tenir à un bras de distance des hommes. Lors de la conférence de presse, Recker a déclaré que la campagne se focaliserait sur l'invitation à ne pas commettre d'agressions sexuelles ou de tirer des feux d'artifice sur les gens, les bâtiments ou la police. Les bracelets sont censés inviter les gens à être respectueux lorsqu'ils approchent celui qui le porte et prévenir ainsi des attaques sexuelles potentielles. Des migrants arabes et maghrébins avaient agressé sexuellement et violé plus d'un millier de femmes allemandes à Cologne lors du Nouvel An de 2015. Une réalité qu'avaient tenté de cacher les médias et le gouvernement allemand. Alors, c'est une excellente initiative en fait. Il faut juste dire aux crouilles... ne me violez pas, bien visible, ouais. Et voilà, je suis d'accord avec la mairesse, elle a raison. Ouais, j'ai pas compris, il se met où le bracelet? Bah autour du bras. Ah, au poignet. Oh non, je crois que c'est un truc pour stériliser les nègres. Mais c'est qui le met? C'est sur la, j'ai pas compris, c'est sur le gibier ou c'est non, c'est quoi? Ah, oui, c'est sur le gibier, les femmes allemandes. Ah d'accord, bah ouais, ok. Bon, c'est ça. Bien. Ça va fonctionner, je pense. Hein. Ah bah ouais. Alors moi, j'ai une théorie là-dessus. Alors, outre le côté complètement délirant, c'est qu'en fait, là, on a vraiment la démonstration de ce que les femmes en politique sont une catastrophe absolue et que les femmes ne devraient jamais pouvoir être candidates à aucun poste électif. Jamais, sans aucune circonstance, vous voyez. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis les quotas obligatoires. Et je m'en explique, c'est que derrière, vous savez, on est dans... De plus en plus, on reçoit des mots d'ordre, des mots d'ordre féministes, qui tentent à faire accroire à l'opinion publique qu'il y aurait une solidarité des femmes entre elles contre l'oppression masculine. Donc en fait, en gros, le prolongement de la lutte des classes marxistes dans le domaine sexuel, si on veut, et que donc... Toutes ces femmes seraient solidaires, voilà, et que les femmes en politique seraient les meilleures avocates des femmes en général. Or, c'est la démonstration par A plus B que c'est faux. C'est-à-dire que cette politicienne-là réagit comme une femme face à un problème, c'est-à-dire par la faiblesse et la peur. Donc, plutôt que de confronter les bougnoules et les nègres, qui sont essentiellement des bougnoules d'ailleurs, hein, c'est essentiellement des musulmans, d'ailleurs des Algériens, c'était pas tellement des Syriens, l'affaire de Cologne en 2015. C'était beaucoup, beaucoup d'Algériens. Beaucoup d'Algériens. On avait eu le track record des coupables, hein, avec les bilans des arrestations. C'était essentiellement de l'Algérien. Hein, de l'Algérien, du Tunisien, du Marocain. C'est la démonstration, en fait, que les bonnes femmes, en général, je veux dire, ont peur de la force. Et qu'elles plient, en fait, devant la force. Et elles sont prêtes, quand elles sont en politique... à abandonner les femmes, mais alors sur le champ, à les livrer mes pieds et poings liés à la bête, pour simplement avoir la paix, elle. Parce que, très clairement, cette mairesse a la trouille de se faire prendre à partie par des victimes potentielles, ou des maris de victimes, ou des frères de victimes. Donc, elle réagit vraiment comme une bonne femme en disant « Attendez, moi, j'ai dit aux Arabes de pas le faire. » Vous voyez, c'est marrant comment raisonne une bonne femme en politique, quoi. Elle dit, voilà, non, mais moi j'ai dit, j'ai fait ma part du boulot. Enfin, elle n'a pas dit aux Arabes, elle a dit aux Blancs. C'est aux hommes. Aux Blancs, je l'ai dit aux Arabes. Ouais. C'est ça. Et c'est vraiment fascinant, quoi. Là, on est vraiment dans la psychologie féminine, c'est-à-dire évidemment la trouille du rapport de force, la trouille à la fois des Arabes et la trouille des réactions des maris ou des frères ou des enfants de victimes potentiels. Donc elle fait juste le minimum pour s'en tirer de tous les côtés, mais par contre, en ce qui concerne le traitement effectif du problème, il se passe rien. Et ben ça, c'est les femmes en politique. Donc jamais, sous aucun prétexte, de femmes élues. Pour moi, c'est une ligne rouge. Ou alors, vous êtes friand des viols de masse. Bon, ça, je sais pas si ça vous intéresse, mais bon. Et qui veut réagir là-dessus? Bah, écoute, oui. Y a un passage comme ça qui est génial dans le bouquin de Burton. C'est une gauchiste mais totalement dégénérée qui a été bien sentie par Laurent Burton. vraiment la Social Justice Warriors, mais en stade terminal, qui en fait devient, tu comprends à la fin du roman, devient un petit peu l'officiel, la régulière d'un chef de bande nègre. Ben, c'est exactement ça, si tu veux. C'est-à-dire que il y aura un moment où elles vont totalement changer. Elles vont passer du féminisme dégénéré à la fémène, tu vois, en mode je te livre des foies de veau sur les parvis des églises, en simulant l'avortement de Jésus, au hijab avec la femme polygame, quoi. Elles vont passer du tout au tout, mais je pense que c'est parfaitement logique, si tu veux. Moi, ça ne me surprend absolument pas. C'est-à-dire qu'elles font le fantasme de l'islamiste, quoi, du frère musulman, c'est d'aller faire la merde dans les églises et se foutre le hijab sur la gueule. Bien, hein ? Ouais, bah effectivement, bah c'est pourquoi elles ne le font pas dans les mosquées. Parce qu'elles se prennent une paire de gifles, c'est tout. Mais bon, à un moment donné, quand... elles pourront faire ce qu'elles veulent dans les églises parce que tout le monde s'en fout, elles iront se convertir à la mosquée. Effectivement. Voilà, un miracle encore de la démocratie allemande, hein, voilà, de Merkel aussi. En fait, je trouve que ça résume même en gros la problématique en Allemagne. Hein. C'est-à-dire que Merkel, c'est la même chose. Voilà, c'est... En fait, ils en ont rien à foutre de la condition des femmes, etc. Enfin, Merkel en a rien à foutre de la condition des femmes, c'est pas son souci. Elle a fait ça sur le coup de tête parce que ses ovaires lui ont dit que ça aurait l'air bien. Voilà, ça t'aura l'air gentil et tout. Par contre, de savoir concrètement comment ça va se traduire, non. Moi, je suis absolument convaincu que ça aurait été un homme qui aurait été à la tête de l'Allemagne en 2015... même un mec, je veux dire, même un social-démocrate, je veux dire, le mec aurait pas dit « Oui, on va faire venir un million et demi de mecs. » Comme ça, en 6 mois, tu vois. Je pense aussi. Hein. Je pense que les nègres ont quand même les mecs ont un sens standard du rapport de force, alors que les femmes en ont bien conscience. Mais tant qu'elles n'y sont pas confrontées physiquement, elles n'en s'en rendent pas compte. Mais elles feront tout pour l'éviter malgré tout. C'est-à-dire qu'elles préféreront toujours, c'est la phrase bien connue, hein, la contre-pétrie, que les femmes donnent toujours leur cœur au vaincu, mais leur cul au vainqueur. Il n'y a rien d'étonnant. Moi, je vais te donner une petite anecdote. Quand j'étais lycéen, j'ai failli me battre avec un bougnoule, un grand bougnoule, hein, qui devait faire 1m90 de haut. Et en fait, j'ai vu de devant moi la prof se décomposer en fait prendre le parti du bougnoule parce qu'elle était apeurée. Effectivement, depuis, j'ai un fort a priori sur les profs de français, femmes surtout. Hein. Effectivement, je sens qu'elles sont très féministes, mais que malgré tout, les valeurs viriles de l'homme violent, surtout oriental, les font un peu mouiller. Donc, c'est un truc que je pense que la plupart d'entre nous avons compris très très tôt. Vous avez mentionné sa petite agression. Ah, ça aussi, oui. Non, on l'a pas mentionné, non, mais tu peux la rappeler. Ben voilà. 18 octobre 2015, elle est élue. Elle prend ses fonctions le 22. Et le 17 octobre, donc à ce moment-là, elle se trouve à un stand d'information de la CDU. Et elle se fait agresser par un vilain, probablement néo-nazi naturellement, qui la traite exactement comme les bougnoules l'auraient traité. C'est-à-dire il l'attrape au couteau, il lui pète un coup de couteau au ventre et un coup à la gorge, où elle se retrouve grièvement blessée. Je ne sais pas si elle a compris la leçon, mais de toute façon, c'était un bel avertissement, et je trouve assez, finalement, très rassurant. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, disons que oui, c'est ça, c'est assez parlant. C'est 1000 femmes peuvent se faire agresser par des métèques, etc. Bon, il faut pas évidemment tirer de conclusion. Par contre, un type d'extrême droite entre guillemets la plante pour lui dire ce que vous avez fait, c'est horrible. Et là, la création se met à trembler. Comment l'extrême droite, etc. Voilà. Donc bon. Raisonnement typique, voilà, donc non, évidemment, ils n'ont tiré aucune conclusion, et évidemment, les femmes dans cette ville sont, sont finies, quoi, c'est-à-dire qu'elles sont, elles seront maintenant éternellement des proies pour les bougnoules du secteur, qui ont bien compris ce qu'il fallait comprendre. Sujet numéro 2, les amis. Là, on va voyager un petit peu. On va quitter l'Allemagne pour aller au Cameroun. Hein, c'est pas une destination favorite de l'émission, mais on va y aller quand même. Et là, c'est une artiste française qui a installé une œuvre pour s'excuser du colonialisme. Et la réaction ne s'est pas fait attendre et pourra surprendre. C'est que les Camerounais présents ont détruit la statue instantanément. C'est pas vraiment une statue, c'est une sorte de pancarte, c'est un peu bizarre. Alors, on va plonger dans cette histoire-là avec les médias du Cameroun, la télévision camerounaise, qui nous rappelle un petit peu les faits. Alors, je dois dire que c'est une des plus belles histoires d'Afrique qui m'était donné d'entendre. J'ai jamais vu ça, c'est extraordinaire. Alors, on va écouter, et puis on se retrouve. Parlons à présent d'une œuvre d'art érigée en plein centre-ville de Douala et qui divise déjà l'opinion. C'est l'œuvre d'une artiste française venue demander pardon aux Camerounais dans le cadre d'un festival culturel de la ville de Douala. Cependant, lors de l'installation de cette œuvre d'art, les populations ont manifesté leur mécontentement. Reportage Warren Z2 et Kate Diarra. Ça ne sert à rien, on enlève, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien là-bas. Ça, c'est pour nous montrer que nous... Si c'est zé, on ne peut pas mettre comme ça. Donc, ça ne sert à rien. On enlève. Nous aurons souhaité avoir des monuments des hommes, des martyrs, de nos martyrs, à savoir les Ernest Wandjé, les Félix Moumier, les Nene Afanda et ses consorts. À peine installé que déjà il fait polémique. Le monument de la honte, comme il l'appelle, qui représente l'artiste française Sylvie Blocher, tenant entre ses mains un tableau sur lequel il est inscrit « Bien que je n'en ai pas le droit », je vous présente mes excuses. Fin de citation. Il a été installé en présence d'une forte délégation d'artistes impliqués dans le projet dénommé Sud 2017, le canal par lequel est passé l'artiste, pour faire accepter son œuvre. Pour elle, il s'agit d'une œuvre d'art porteuse de sens, celui du pardon. Je dis aux Camerounais que les Français ont fait des choses. Ils ont tué des Camerounais. Vous attendez toujours des excuses, mais je n'ai aucun droit officiel de vous les faire. Ça se passe juste dans l'art. Et en fait, ce qu'il faut, c'est parler. Et parler des deux côtés. Pas seulement parler du côté de la France, aussi parler ici. Un pardon qui n'est pas très bien compris de tous. Oui, le pardon, nous l'acceptons bien. Mais juste crois que ça ne devait pas être fait de cette façon. Le pardon, on aurait voulu que ça se fasse de manière solennelle. Qu'on demande pardon à tout le peuple camerounais. Peut-être à travers les médias. Mais, et que ce peuple en retour accepte ce pardon pour qu'un acte soit posé. Bien avant cette installation, en début de journée, des chefs traditionnels s'étaient offusqués de la présence de ce monument étranger sur leur terre et préparaient même une opération blocus. Bon les amis, ça c'est de l'art contemporain, hein. Ça c'est de l'art engagé, c'est de l'art militant, ça vient de France et c'est Sylvie Blocher, hein, si je ne m'abuse, Sylvie Blocher. Qui tenait à s'excuser donc du colonialisme français au Cameroun. Précisons quand même, petite pointe quand même de historique, c'est que le Cameroun a été colonisé par les Allemands, hein, voilà, pas par la France à strictement parler. Bon, c'est un détail. Donc en fait, il n'y avait pas tellement d'excuses à donner, mais enfin bon, c'est autre chose. Alors, magnifique moment, la population locale qui s'engage. Déric, tu veux nous dire quelque chose? Oui, alors effectivement, j'ai quelqu'un là qui le fait remarquer dans notre salon de discussion. Sylvie Blocher. Blocher, voilà. Non, ça peut être l'ancien patron de. C'est peut-être d'ailleurs toujours le patron, je crois pas. De l'UDC Suisse, s'appelait Blocher. Hein. Ouais. Bon, moi dans Blocher, je vois Bloc. Hein. Je sais. La figure, les yeux fins comme ça, fait, elle a la gueule du vieux Rothschild, quoi. Vraiment, ça ressemble à la même race, quoi. Il y a 85%, je pense, de chance qu'on a affaire là de l'Ashkenaz. Hein. D'accord. Argyle. Oui, bah là, c'est pas mal. C'est aussi le recul de l'Africain, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il n'a pas vu autre chose dans l'œuvre d'art qu'une blanche qui était une pancarte avec une blanche dessus au milieu qui brandissait un truc. Et eux, ils ont vu ça comme une agression. Ils n'ont pas cherché à comprendre le message. Ouais. Je pense que celui qui le démolit, je ne suis pas certain qu'il sache lire. Voilà, c'est une blanche brandit un truc dans la rue sur une pancarte, il faut démolir le truc. C'est dommage qu'elle n'ait pas fait une performance, comme on appelle ça dans le milieu des artistes, et qu'elle n'ait pas brandi la pancarte elle-même, car je pense que la réaction aurait été la même, et elle serait peut-être fait de découper à la machette. Et je pense que c'est le but ultime de cette bonne femme complètement improbable, qui vient s'excuser des crimes coloniaux. D'ailleurs, je n'ai pas eu écho historique que la France ait pratiqué quoi que ce soit de terrible au Cameroun, mais enfin bon, à mon avis, c'est juste un détail pour elle. Mais je pense que cette bonne femme veut terminer, je pense, voilà, dans une marmite au Cameroun. Je pense qu'elle trouverait son compte. Pour elle, ce serait voilà, bouffé par des Camerounais, digéré, déféqué par des Camerounais. Je pense que là, elle aura atteint le but de son existence, terminée dans de la merde de nègre. Quoi. Voilà, je pense que pour elle, c'est l'aboutissement de son engagement artistique, je pense politique et citoyen. Oui, une espèce d'approche un peu panthéiste, hein, voilà, de finir dans la création et dans l'excrément de nègres. Oui, il y a quelque chose comme ça. C'est de l'écologie totale, en fait, peut-être. Alors, avant de donner la parole aux autres, je vais quand même préciser, donner les réactions de l'artiste, hein, qui a tenu à réagir quand elle a appris la destruction de son œuvre, qui, quand même, rappelons-le, en fait, c'est une espèce de poster plaqué sur un morceau de bois, hein, voilà, où on la voit brandir le truc. Elle brandit une espèce de pancarte avec marqué dessus « Je m'excuse », quoi. Et ça ressemble, enfin, artistiquement, je veux dire, au plan plastique ou esthétique, y a rien. Enfin, vous avez l'impression que c'est une espèce de vieille rombière qui tient un truc pour vous vendre un morceau de reblochon. Enfin, c'est ridicule. Voici ce qu'elle nous dit. Alors, c'est Cameroun News qui livre sa réaction. Face aux réactions parfois violentes après l'érection de son œuvre, Sylvie Blocher, dans un entretien à l'AFP, a déploré l'incident, de même que les nombreuses critiques dont elle a été l'objet. Et là, l'AFP la cite. Il y a une communauté internationale des gens meurtris. Est-ce que quand on a été meurtri, comme le peuple camerounais, il faut répondre par la violence ? Il faut répondre par l'accueil, par l'hospitalité, a estimé Madame Blocher. Donc en fait, le peuple camerounais est d'extrême droite, hein, travaillé probablement par le virus xénophobe. Donc là, plus rien ne va entre le Cameroun et Blocher. Elle vient de décréter que c'était un peuple, c'est un peuple de fascistes, hein, voilà, excommunication immédiate. Bon, voilà, c'est à noter. Je vais donner la parole à Captain, qui veut nous dire des choses sur cette belle performance. Ensuite, Léon, MacDav, et voilà, on aura fait le tour. Hopman. Ouais, donc en fait, la première chose que je remarque, moi, c'est que cette meuf, elle est... C'est une attention whore, c'est une pute d'attention, quoi. Donc elle a envie de mettre sa personne en avant. Comme elle dit, elle n'a pas à s'excuser, ben, si t'as pas à t'excuser, tu fermes ta gueule, tu le fais pas, déjà, effectivement. Et en plus, dans sa réaction, ce qui est marrant, c'est que... Alors, d'un côté, elle estime... avoir l'argument moral, en fait, le moral high ground, comme on dit en anglais, donc la position moralement supérieure, tu vois, parce qu'elle se dit « Non, mais c'est vrai, j'ai pas le droit de le faire, mais quand même, les Blancs, ils vous ont fait souffrir, donc pardonnez-moi, mais je m'excuse, hein, je vous veux vraiment du bien. » Et puis en fait, bah, quand son caca cartonné se fait défoncer par des nègres en colère, et d'ailleurs ils ont raison parce qu'elle aurait dû fermer sa gueule et rester dans sa cuisine, et ben elle dit « Ouais, mais vous êtes que des merdes en fait. » Donc tu vois, c'est marrant parce que d'un côté, elle a cette espèce de... Bah, elle a cette prétention morale et intellectuelle que confère ce pseudo moral high ground qu'ont les gauchistes en Europe. Et de l'autre côté, elle a une morgue impressionnante, quoi. Elle a une condescendance pour les Camerounais, une fois qu'ils lui ont renvoyé à la gueule le fait qu'elle aurait dû fermer sa bouche. Il y a un autre truc, moi, qui m'a fait rigoler, c'est quand on regarde la vidéo, donc vous allez voir, je crois que c'est à 50 secondes de la fin de la vidéo, vous voyez le groupe de Français qui l'accompagne. Et là, oui. Ça vaut son putain de pesant de cacahuètes, cringe, quoi. Ultra cringe. Ah ouais, mais là, c'est du bobo puissance 15 000, quoi. Vous avez que des meufs... c'est des babos, hein, c'est des babos, hein, c'est des babos. Ah ouais, c'est ça, quoi. Et le seul mec qui est là, c'est le blanc chétif avec du bide, qui, clairement, bon, bah, c'est un type de soumis, quoi, tu vois. Le mec, il est là, mais il doit se faire marcher dessus par les gonzesses, par les blanches avec qui il traîne, il doit se faire marcher dessus par tout le monde, et puis bon, bah voilà. C'est ça. Alors, j'enchaîne avec Léon qui voulait prendre la parole. Merci, Gardalf. Je vous trouve quand même tous un peu très durs envers ces pauvres Camerounais. Vous vous moquez d'eux parce qu'ils prennent une affiche pour une personne et qu'ils se mettent à la démolir. Mais il y a quand même pire. Il y a des gens qui tournent en rond autour d'un immense bloc noir et qui lui lancent des petits cailloux en criant comme des possédés. Ça, je considère que c'est pire. Les Camerounais, eux, ont au moins l'excuse de voir une forme humaine, ce qui justifie un peu qu'ils en aient été abusés. C'est vrai. Car, après tout, c'est quand même un pays avec un quotient intellectuel moyen de 67 ou 68. Faut être indulgent. 68, je crois que c'est le Burkina Faso. Je pense qu'on est un petit peu au-delà, peut-être 71, 72 pour le Cameroun. Mais bon, effectivement, c'est pas très loin. C'est une provocation, là, dis donc. Une provocation de l'État impérialiste. Une agression caractérisée contre le peuple du Cameroun. Donc, empathie totale avec le peuple du Cameroun. Ah ben, absolument. Empathie totale. Non, mais bravo les nègres, bravo. Ah oui, merci. Oui, bravo et merci, quelque part, d'avoir remis cette gauchiste à sa place. Le Camerounais et le nègre de la semaine, bravo. Merci à eux. Ungundala Murunduvurte. Qui veut dire... celui-là, il vient de loin. Oh putain. c'est un salut fraternel à mes frères du Cameroun. Je veux dire, j'ai passé quelques années là-bas quand j'étais plus jeune et je parle. Ah ben, il faut savoir que le Cameroun a quand même une très belle diaspora de Celtes noirs. Hein. Effectivement. Alors, est-ce que j'ai omis quelqu'un, Magda, vous voulez réagir, mais je voulais également saluer le bon sens du peuple camerounais. Et quand j'ai vu le nègre là dire mais ça ne sert à rien, on veut des statues de nos martyrs, je ne suis qu'absolument d'accord avec lui. Je trouve ça, en fait, peut-être qu'ils ont un QI de 70, mais si nous, en France, on pouvait aussi détruire l'œuvre dégénérée et contemporain, ce serait une très belle chose. Donc là-dessus, je les salue. Par contre, alors Sylvie Blocher, là, qui... Alors moi, c'est marrant, je la pensais plus juive d'Alsace que Askenaz. Mais bon, écoute, moi, je suis pas spécialiste, hein, comme toi. Bah, c'est de l'Est, hein, c'est pareil, quoi. Ah ouais, non mais écoute, elle a un parcours, c'est pas piqué d'hanneton, je te le garantis. Voilà comment elle se définit, c'est une de ces artistes qui n'aime pas être à la merci des galeries. Mais, visiblement, les subventions publiques qu'elles viennent du Cameroun, de France, ça ne la dérange pas. Et c'est authentique, hein. C'est sa page Wikipédia, qui à mon avis, elle doit un peu la contrôler. Cette transversalité est née de son intérêt pour les textes de Goebbels. Authentique. Elle s'est penchée sur la question de la solution finale. Oh. Après de multiples recherches, elle s'est rendue compte qu'à côté de la haine des juifs, il y avait la haine des homosexuels. Dans ses textes, Goebbels décrit l'homosexualité comme une maladie. C'est à partir de là que Sylvie Blocher s'est intéressée au féminin dans le corps des hommes et au masculin dans le corps des femmes. Oh là là, c'est oui. Bon, authentique. Bon, c'est signé, c'est... Le lien avec notre maître à tous, Goebbels. Hein, et... Oh là, bravo. Le docteur Goebbels. Docteur Goebbels, voilà, c'est le saint patron de l'émission de démocratie participative. Oui. J'aimerais apporter une précision. Je viens de vérifier et effectivement... Le quotient intellectuel moyen du Cameroun n'est pas de 67 ou de 71, mais bien de 64. Ah oh, putain, ah oh, merde alors. Ah, c'est... Comment ça? Ah bah, putain, au-dessous du Burkinabé qui ont fait... qui ont fait Puchimbol face à Macron, ouais. c'est pas joli. Ah, joli. C'est pas mal. Et pour vous dire à quel point c'est une synthèse, sa première œuvre, ça s'appelle « Déçu, la mariée se rhabilla ». C'est pas une blague, c'est sa première œuvre. Oh non, et... mais il en a marre là, c'est bon quoi. Non, donc en fait, c'est vrai, en fait c'est la synthèse quoi. Elle est pro-nègre, mal baisée et juive. Oui, voilà. Oui, joli combo. En un mot, française. Oui, c'est... Bah, déjà, artiste française, c'est un concept. Hein. Voilà, messieurs. Bon, allez, puisqu'on parle de France, remettons un peu de France dans cette émission. Parce que, ah, bon, l'Allemagne, le Cameroun, ça va bien. Mais bon, bon, je sais qu'on a fait un petit détour par, comment dirais-je, la Pologne sur scène. Mais, comment dire, intéressons-nous à la CAF. La CAF, qui a un message... Ah, enfin, la France. Oui. Enfin, alors attention, là, en plus, c'est pas... le terroir. C'est pas une ville cosmopolite de je ne sais où. C'est la CAF du Limousin. Ah oui, oui, c'est la... alors attends, c'est la CAF. C'est la France française. Le laboratoire laïcité du Limousin, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça, voilà. C'est très bien formulé. C'est financé par la CAF du Limousin. Et donc, c'est thématique, ça parle de la laïcité, de ce qu'est vraiment la laïcité. Je vous propose d'écouter ce clip qui a été donc intégralement financé par le contribuable français et surtout du Limousin. Le travailleur blanc. Oui. Enfin, bon, non. Bon, l'exploiteur blanc raciste du Limousin qui, contraint et forcé par sociale. L'esclavagiste blanc du Limousin. Oui, voilà. Qui, ça, dans un réflexe paternaliste. Oui, a financé, ma foi, il a financé cette œuvre-là. Voilà, c'est quand même du paternalisme, quelque ouais, part. Bon, c'est quand même du racisme. Ça a été dans la douleur, hein, parce que c'est comme arracher une dent, hein, ça n'a pas été simple. Alors, on écoute et on se retrouve derrière. Je me baladais tranquillement dans la rue quand une femme vient vers moi et me dit: allez, en France, ici, vous n'avez pas le droit de porter ça, votre tenue m'agresse. J'ai pas le droit de porter quoi? Le voile? Pourtant, on a bien le droit de porter le voile en France. Bien sûr que oui, c'est le principe de la laïcité. Alors, chers amis, bon, c'est un clip, hein, financé par la CAF, je le dis, je le répète, je le martèle. Voilà, caisse des allocations familiales, donc l'usine à Bamboula, à Nègre, à Islamiste, voilà, que le monde entier nous envie. Hein. Alors, le message est très clair, la laïcité, bien comprise, telle qu'expliquée donc par les communistes de la CAF, ça consiste à porter le voile, voilà. Moi, j'avais pas tout suivi au départ, en fait, de la laïcité, j'étais un peu confus. Donc en fait, ça consiste à pouvoir porter le voile dans l'espace public, au cas où vous l'aurez remarqué. Alors, faut voir la gonzesse qu'ils ont trouvée. Hein. C'est même plus un voile, un truc comme ça. Ou alors, elle veut partir vers les Amériques. C'est pas possible. Le truc est gigantesque. C'est une tente de chamelier, le truc qu'elle a sur la tête. Moi, je crois que j'ai pas bien compris, mais en fait, la laïcité, c'est un truc de femme d'Afrique, quoi. Qu'elle soit d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire. Vas-y, oui, dis-nous un petit peu plus. Oui, parce que les gens le sont, mais ils n'ont pas le visuel. Donc, la nénette qui parle, qui explique, elle a une espèce de voile gigantesque. La femelle, la négresse. Attends, laisse-moi expliquer. Donc, il y a la nénette qui explique, qui donne le point de vue principal, qui est une orientale avec un voile gigantesque. Et ensuite, il y a des acteurs autour. Et à commencer par la première qui incarne la française. Bon, vous auriez deviné, la française typique, raciste, xénophobe. Une négresse à lèvres en forme de banane. Voilà. Alors, c'est un spécimen, ma foi. Cette émission, ma foi, est placée sous le patronage du nègre, hein, clairement. Là, on a des spécimens entre le nègre à dos orange et celle-là avec ses lèvres en forme de banane. Ben ouais, il y a ça, on a quoi? On a une autre C'est quoi la petite? Bah, là, si tu veux, ça c'est... Une espèce d'Algéro-Gitane, là, aussi. Oui, très bizarre, le type. Oui, très bizarre. Tu regardes dans les yeux, tes poches sont vides, c'est bizarre. Hein. Il n'y a pas... c'est pas une Rome? Ah ben bah, ça y ressemble. Oui, Rome algérien, je pense que c'est un mix des deux. Oui, d'ailleurs, c'est pas tout. Un truc très clair, tout droit sorti de l'enfer, tu vois, aux sources. Alors, Argyle, ça, ce petit clip-là, financé par le travailleur français, a dû t'inspirer. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, Argyle? Bah, t'as un peu de mal à y croire quand même quand tu le vois. C'est vrai qu'on croirait une caricature que les gens de démocratie participative auraient pu faire pour rigoler. Mais non, ils en sont capables. Ils y parviennent, toujours au-delà de nos espérances, au-delà de nos cauchemars les plus fous. Non, là, je sais pas. Enfin, voilà, j'ai, Faut le voir. Vraiment, j'invite nos auditeurs à regarder ce truc. C'est vrai qu'à un moment, l'intervention de la négresse est très violente, très agressive, parce qu'en plus, on ne comprend pas grand-chose de ce qu'elle dit. Ses mandibules bougent, on entend des espèces de hurlements simiesques, mais après, on distingue quelques mots de français dedans, et ça fait un clip. En plus, l'arrivée de la petite gitane, comme l'a décrivé Eric, est quand même pas mal. Alors, on sent la pickpocket du métro parisien. Voilà, là, tout y est, il ne manque rien. Et ces gens-là nous donnent des leçons de laïcité. Mais je crois qu'en fait, le message est pas mal. Ça veut dire que, voilà, vous sentant de laïcité, ça donne ça. Ça donne une arabe voilée, une noire agressive et une petite gitane. Bah, le truc je crois que là, le tableau est complet. Voilà, vous, 100 ans d'application, un siècle d'application de la laïcité, ça donne ça. En fait, le truc, c'est que quand tu regardes le clip, tu te dis, ah ben c'est marrant, visiblement, ils veulent donner des leçons de laïcité aux Blancs, en fait. Ah oui. Les Blancs qui posaient le problème, tu vois. Alors qu'en fait, c'est le... faut arrêter de déconner. Là, la laïcité, aujourd'hui, tout le monde parle de laïcité, ça n'arrête plus, etc. Bah oui, parce qu'il y a de plus en plus de musulmans. Donc c'est ça le truc fondamental par rapport à la laïcité, c'est pas l'Église catholique qui est dans une espèce de reconquête de l'État ou je sais pas quoi, c'est l'islam, point barre. Et le clip, c'est une inversion, donc c'est de facture typiquement communiste, hein. Là on reconnaît la patte des communistes, ça consiste à t'expliquer exactement l'inverse. Tu regardes le clip et on t'explique qu'il ne faut pas détester une musulmane qui porte le voile, le truc, le beans, et que la laïcité bien comprise, ça consiste à faire la promotion du voile, quoi, du port du voile en public. Et là, tu dis, mais attends, donc ça veut dire que c'est pas la musulmane le problème, c'est que c'est moi le blanc. Comme si les blancs étaient un problème pour la laïcité en France, quoi. Dire, c'est complètement dingue, mais c'est la réalité, et c'est financé par la CAF. Et c'est la CAF, quoi. Tu vois, c'est le quartier général. Alors, je vais. On finance pas assez la CAF, on finance encore ça, quoi. Alors, je vais quand même citer. Renaud Camus, qui quand même a des traits d'humour, quand même parfois. Alors récemment, il a déclaré le troisième lieu saint de l'islam, c'est la CAF. Oh merde. Ah, c'est. Je ne savais pas. Oui, mais c'est parce qu'ils étaient tous en train de se foutre sur la gueule par rapport à Jérusalem, machin, etc. Et Renaud Camus a cru bon. Il a remis le monothéisme à sa place, effectivement, à la CAF. Alors bon, ça m'a bien fait marrer. Qui veut rajouter quelque chose sur ce rappel à l'ordre, ma foi, des communes. Je crois que le Limousin, c'est une terre rouge, non? Pas rouge, bah, ça. Il y a pas eu des... Attendez. Le Limousin, parce que moi, je me gourre complètement dans ma géographie. Le Limousin, il y a pas Limoges dans le Limousin? Oui, bien sûr. Ah, et c'est pas là qu'il y a Oradour-sur-Glane dans le secteur là? Si. Et là-bas, les gauchistes, en fait, sont les mêmes qu'il y avait un peu partout en France il y a 30 ou 40 ans. Ils ont les mêmes réactions de gauchistes, de rouges. Là, on est vraiment... tu vois, c'est des espèces sauvegardées en réserve naturelle et ils réagissent à peu près de la même façon. C'est vraiment les terres rouges, mais à l'ancienne, comme on n'en fait plus nulle part. Ils sont produits entre eux, ils sont... Et ils sont toujours assez virulents là-bas, et c'est vrai que le gauchisme là-bas est assez impressionnant, très archaïque, très orthodoxe, et je ne suis pas spécialement étonné que ce genre de clip ait été fait dans les Limousin. Alors, regardez ce clip, et ensuite, allez sur l'affiche de Radour-sur-Glane, et vous verrez peut-être le problème différemment, j'ai envie de dire. Voilà donc pour cette magnifique histoire. Enchaînons avec la rubrique numéro 2. C'est riche cette semaine, je suis désolé. C'est la putain nègre de la semaine. La putain nègre de la semaine. Et c'est Elisabeth Hersant. Ah, c'est une très belle histoire. Ah oui, oui. Oh la putain, le nègre mineur. Oh là là. Le vieillard mineur. Oh, j'ai reconnu au nom, je me suis dit, c'est comme l'ancien patronne de presse. Hersant, oh putain, oh la vache. Bah, vas-y, excusez-moi. Alors, de mon intervention. On va écouter un extrait de cette. Alors, c'est une jeune femme d'environ 45 ans qui est donc visiblement divorcée, vit encore avec son fils, qui d'ailleurs, je pense, va pas tarder à évoluer vers la drogue. Grâce à une décision d'un juge bienveillant, hein, n'est-ce pas ? Oui, voilà, c'est ça. Alors, on va découvrir toute cette magnifique histoire, parce que quand même, c'est bon, la France n'est pas non plus totalement peuplée de racistes et de xénophobes au dernier degré. Je veux dire, il y a quand même des gens qui ont encore la main sur le cœur. Enfin, ça existe, quoi. Et France 3, d'ailleurs, bon, c'est un détail, mais est affilié au Parti communiste, a décidé de mettre en avant cette magnifique histoire de générosité humaine, d'humanisme, de solidarité internationale. Alors, on écoute et on se retrouve. Chaque soir depuis lundi, Elisabeth Hersan part avec son fils chercher, fauder. C'est un jeune migrant qui est arrivé de Guinée en septembre dernier et qui, depuis quelques jours, ne bénéficie plus de l'aide sociale à l'enfance et donc n'est plus hébergé par personne. Faudé, le voici. Il quitte le foyer Kennedy, où il n'a le droit de rester que la journée, pour rejoindre le domicile d'Elisabeth et son fils. Un endroit où il pourra passer la nuit à l'abri et au chaud. Elle m'a appelé, elle est allée me chercher. On a fait un peu de tour, on est venu ici, elle m'a donné à manger, elle m'a couvé, comme si on se connaissait depuis longtemps. Hier, on est parti au marché, on a fait des achats, elle a préparé, elle a fait des manger pour nous. Bon, c'était cool, comme si c'était une maman. Une maman avec qui il aime partager des moments de complicité. Pour elle, l'accueillir, c'était une évidence. Moi, je ne me suis pas vraiment posé la question, et puis on se dit que on passe aussi par une association, donc c'est... Il a déjà été en contact avec des gens. S'il nous demande de l'accueillir, c'est qu'il n'y a pas de souci. C'est mon copain, parce que il est rigolo et il est sympa. Et c'est mon copain aussi. Il est plus sympa. Et au cœur de cette relation, un homme, Gilles Boucher, a une idée. Créer une page Facebook pour trouver un toit aux sans-abri à Poitiers. Son nom, Une nuit au chaud. Très vite, les propositions d'hébergement arrivent. Là, je me suis dit, mais on tient quelque chose d'intéressant, étant donné la pression qu'il y a et le fait que ces structures sont dépassées actuellement, saturées, sont à la recherche d'hébergement, pourquoi ne pas créer une page qui serait vouée à cette cause-là et qui servirait de réservoir pour l'ensemble des acteurs sociaux. Nuit au chaud n'existe que depuis 10 jours, et pourtant ce soir, ils seront déjà une dizaine comme Faudé à dormir un peu plus paisiblement. Alors, Elisabeth Hersan, donc une femme, d'ailleurs, une femme épanouie, hein, tabagique, probablement commençant au rosé le matin à 6h30, mais épanouie, quoi. C'est une bien fraîche. Bien. Oui, fraîche, vraiment, on sent la petite sœur des pauvres, vous voyez, vraiment, voilà. Argyle, donne-moi ton ressenti. Bah écoute, j'étais très ému par ce mineur, hein. Cet enfant, oui. Qui est abandonné et qui a été recueilli par cette brave dame qui n'a écouté que son cœur. Hein. Heureusement, elle a un garçon. Parce que je pense que si elle avait une fille du même âge, il est possible que le petit Faudé se soit intéressé de très près à ce qu'il y avait dans la culotte de sa fille. Mais bon, pour l'instant, il doit se contenter de la mère qui doit... je pense ramener de manière très vigoureuse et virile pour un jeune mineur qu'il est, puisque France 3 n'hésite pas à incruster sur l'écran qu'il est mineur, et bien malheureux. Et heureusement qu'il a trouvé cette femme qui fait honneur Elisabeth. À la France. Je pense qu'elle fait honneur à la France et aux femmes françaises, à notre grande tradition d'accueil et surtout recevoir des enfants comme lui chez soi. Je pense que tous les Français devraient le faire. Alors par contre, je ne connais pas, parce qu'ils ont peut-être pris, France 3 a peut-être pris une législation africaine pour définir l'âge mineur, je ne sais pas, oui, la majorité au Mali de 47 ans, donc oui, les mineurs, c'est ça, pas de problème. Ça. Oui, c'est ça, je pense qu'on y est. Non mais la gueule du mec, c'est-à-dire que la bobule du nez, non mais attends, écoute, il a une gueule de jazzman. Il est très probablement grand-père, hein. Très probablement grand-père. J'en mets ma main à couper, ce type est grand-père. Mets la main du nègre à couper plutôt. Oui, enfin, bon. c'est un pari assez sûr. On est d'accord, oui, non, il est grand-père. Très franchement, aucun doute là-dessus. Alors, pourquoi une blanche divorcée avec un gosse seul s'empresse de se précipiter dans les centres d'accueil pour aller rameuter du mineur de 33 ans africain sous son toit pour la nuit. Je vous pose la question. Alors moi je pense que son ex-mari, parce que c'est l'absent du tableau hein, là-dedans, devait être peut-être trop oppressif, faire du patriarcat de manière vraiment absolument inconcevable hein, en 21e siècle, en 2017. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, mais imaginez le gamin qui assiste à ça, c'est-à-dire sa mère. Parce que ah oui, moi, non, clairement, oui. je veux dire, c'est alors, clair. Oui, bon. Là, le gamin, c'est mon copain, etc. Voilà, ouais, oui, c'est ça. Alors, bon. dans 10 ans, le gamin, bah, il est comme nous. Voilà. Non, mais c'est destructeur pour un gosse, hein, t'imagines. Tu vois celle qui t'a mis au monde se faire remplir. Alors, bien sûr, il la voit pas, mais il le sait très bien ce qui se passe, le gamin. Sa mère se fait péter la chatte par un putain de sale nègre. Hein, comme ça, le mec à 11 ans, on lui dit, tiens, c'est, prends ça dans ta gueule, ferme-la, t'as rien à dire, t'as pas ton mot, ton père est par là pour raison X ou Y, et maintenant, tu vas voir une blanche, la blanche suprême, c'est-à-dire ta mère, se faire prendre par un nègre. Imagine la psyché du gamin, dans quel état il va être après, quoi. Et ça, franchement, pour moi, des bonnes femmes comme ça, on devrait leur faire des encarts sur les panneaux, en mettant leurs photos, mettant la tête du nègre et mettre grosse pute à nègre, tu vois. Ou alors on devrait les tondre, parce que ces bonnes femmes, ce sont des tortionnaires. Bah ouais, non mais ça c'est le vrai point. C'est-à-dire que c'est le gamin qui va être dans sa tête, ça va faire du yo-yo, hein. Il va pas tout comprendre, le gamin, hein, parce non, que il faudrait papa est pas là, un bambou là est dans la maison. Alors soit il embrasse totalement le truc et il va finir camé, militant mélenchoniste, quand Mélenchon trouvera plus sa bite à 82 ans, soutenu par sa marocaine et tout, tu vois, avec la main sur son compte en banque et tout, machin, en disant « Ouais, ouais, vive la sociale, tu vois, mort à la tyrannie blanche, tu vois. » En direction de la Mecque. Ou alors, en direction de la Mecque, ça va sans dire. Ou alors, il va effectivement devenir ultra-nationaliste, quoi. Là, il y aura... Bah non, mais là, quand même, le sujet est assez extrême. Donc, je pense qu'il finira au mieux hitlérien, quoi. Au mieux. Effectivement. Qui d'autre veut s'emparer du sujet pour nous donner son juste sentiment. Petite précision, vous aviez fait remarquer la voix de clopeuse. Hein, Ah oui, oui. J'ai une théorie là-dessus. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais les voix les voix graves sur des petites femmes comme ça, bon, c'est à se demander s'il n'y a pas eu des hormones mâles qui sont arrivées dans le larynx, hein, je sais pas. Pas forcément des hormones. Non, c'est ma théorie. Voilà, quand j'entends une voix comme ça, je me dis, tiens, c'est bizarre. Café clope. Ouais, pas que. Et pas que. Café clope, gorge profonde. Rupture des cordes vocales. Oh mon Dieu. C'est pas rupture, c'est-à-dire que ça te fait muter, ça te mute le bazar, quoi. Ça te change la voix, et ça les gonzesses, elles peuvent pas y échapper. Ça te lustre la voix. Ah bah non, ça te la détruit, tu te rends compte. Alors, on dirait Jeanne Moreau. Elisabeth Hersant, la pute à nègre de la semaine quand même, hein. Mais haut la main, bravo, hein. France 3 National. Ah, de la pute à nègre de compétition, là, elle est dans le haut du pays. Ah bah là, ah oui, là, oui, oui. Et puis, hey, attention, hein, au nom d'une cause humanitaire. Hersant, c'est de quelle origine, juste comme ça? Oh, c'est français, c'est non du Nord, hein. C'est pas la Loire-Atlantique Ouais, mais je te vois venir avec c'est le blâme. C'est pas un petit peu plus haut, non? Cette race maudite. Si le problème pouvait simplement être localisé, hein, aussi facilement. Hein. Langue de vipère. Alors, avant de faire une pause musicale, on va quand même faire un petit crochet. Ça, lui, ça fait longtemps que j'avais envie d'en parler, parce que ça fait très longtemps qu'il me... il me traumatise, ce garçon, tu vois. Même j'ai presque de l'empathie pour lui. C'est-à-dire que vous savez, vous avez deux réflexes avec les gauchistes. Enfin, les endurcis, quoi. Vous les prenez au sérieux au départ. Enfin, vous dites, il est sérieux par rapport à ce qu'il dit. Puis en fait, très rapidement, vous dites, non, en fait, c'est pas possible qu'il soit sérieux par rapport. Son propos n'est pas sérieux. En réalité, ce garçon souffre. Ce garçon a des problèmes. Et donc, je dois le prendre comme tel. Et donc, la virulence de son discours antifasciste, etc. Bon, bah, voilà, c'est beaucoup de douleur personnelle. Et ben, c'est le cas de quelqu'un. Mais vraiment. Je dois dire que malgré l'empathie que j'ai pour lui, c'est quand même beaucoup de souffrance auditive. C'est bonjour tristesse. Bonjour tristesse. Beaucoup de vidéos. Dis le pendule. Il fait du slam. Alors, je ne sais pas si vous imaginez. Alors, il parle comme un nègre déjà. Il est négrifié mentalement. Oh, alors, j'aurais dit que. Moi, j'aurais pas dit ça. Je trouve assez dur. Si. Il parle quand même plutôt comme un bougnoul. C'est à l'intersection du... là. Hein. Ah bah non, mais c'est du bougnoulisme mental. Non, mais non, c'est du bougnoulisme mental de premier ordre là. Le nègre, le nègre ne parle pas. Le nègre fait des bruits déjà. Oui, mais le slam et tout. Même machin, des onomatopées. Alors, enfin, bref, voilà notre. Je ne connais pas son nom officiel. Mais bonjour tristesse, et alors donc il fait du slam. Alors juste pour que nos auditeurs savent de quoi il retourne. Alors il est populaire, il est très populaire. Il a une chaîne avec 200 000 abonnés, il fait des centaines de milliers de vues, très très populaire. Alors je ne sais pas s'il est populaire chez les blancs ou chez les blancs qui sont bougnoulisés mentalement ou chez les bougnoules qui sont contents de trouver un bolos pour vomir sa propre race. J'ai suivi les commentaires et j'ai vu beaucoup de bougnoules qui sont très très contents de voir une espèce de bolos en train de singer le langage de la rue, tu vois. C'est assez marrant. Mais bon, un soupçon pour commencer, et ensuite je vais diffuser le cœur du message, enfin le cœur de son indignation. Alors, juste le début, ça commence, alors la thématique c'était les obsèques de Johnny Hallyday. Alors, un petit extrait de culture française, là, ça va nous faire du bien aux oreilles. Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où l'hiver parsème des corps étendus sur les trottoirs comme une fusillade. Un mort de SDF par jour, c'est crade. Alors oui, Paname, c'est pas Bagdad, mais ça rend saudade quand il gambade dur d'y voir autre chose qu'une immense chambre froide. Voilà. Bon. Ouais, hein, ça, c'est... Qu'est-ce que vous pensez déjà ? Enfin, juste avant de poursuivre, le slam, comme ça, qu'est-ce que... C'est dur quand même, hein. C'est très très dur. Moi je vous avouerai. Ça fait saigner les oreilles, ouais. Au bout de 20 minutes, ça putain. Je vais pas donner des idées quand même aux tortionnaires de la police politique française, mais. Ah oh, oui, ouais, si, quand même. Ouais, là il y a des coups de pioche qui se perdent, hein. Oh purée. Non, mais moi je ne peux pas le supporter, ça. C'est au-delà de mes forces. Je tiens 15-20 secondes. Et après, je peux pas, si tu veux. C'est-à-dire qu'un type comme moi est en face de moi. Je ne peux pas, soit je fuis, soit je le fais taire, mais c'est pas possible de. Ah, dans le monde réel, si un mec-là parle comme ça devant moi, c'est évident que ça se termine très très mal pour lui. Oui. C'est non, en fait, c'est du slam. Moi, je comprends pas l'intérêt de faire du pendule. C'était comme si on faisait. Oui, parce qu'il gigote en plus dans ses vidéos. Mais en fait, c'est comme si il slamait. Donc, en fait, bon, il parle comme un bougnoul et un nègre, quoi. Bougnoulisme mental. Ouais, mais en déclamant les colonnes des articles de Mediapart. Ah, oui. En gros, c'est ça le truc, hein. Alors, bon, on passe... bon, de toute façon, ceux qui le connaissent pas vont le découvrir, mais moi, j'arrive pas, hein. C'est physique, moi, chez moi. C'est carrément physique, j'ai vraiment un rejet physique du truc. Alors, quoi. T'as un mec qui te regarde... via la caméra, quoi, il te hurle dessus, tu vois, comme s'il avait besoin de surjouer l'indignation, la colère, l'urgence, etc. Mais c'est archi revu, ce truc-là. Mais le pire, c'est que c'est toute la vidéo qui est comme ça. C'est pas toute la vidéo, c'est toutes ces vidéos, parce que c'est la 79e, un truc comme ça. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, attention, alors je précise. Le début de la vidéo là qu'on a entendu, il est écrit. Et d'habitude, en fait, toutes ces vidéos sont écrites en fait comme ça. Alors, par contre, très vite, ça dévisse parce qu'il commence à parler de son propre fond sans avoir bossé pendant, enfin, pendant des heures sur un texte. Tu vois, il a commencé à s'exprimer normalement. Et alors là, ça part dans tous les sens et il n'arrive même pas vraiment à faire les phrases, les problèmes de construction de phrases, de syntaxe et tout. Et il embraye sur à peu près tout le monde. Ménard, Finkielkraut, enfin, c'est très confus. Enfin, on voit bien. Alors, surtout Finkielkraut. Oui, Finkielkraut. Alors, c'est pas bon. Donc, c'est insupportable. On l'entend hurler devant sa caméra, etc. Mais il veut nous véhiculer un message qui concerne la notion de français de souche, qu'il a particulièrement révulsé dans la bouche d'Alain Finkielkraut. On va l'écouter. Hein, et ensuite, on se retrouve. Alors, également, Alain Finkielkraut, encore lui, Alain Finkielkraut a encore décidé d'ouvrir la benne à ordures pleine de dents qui lui sert de bouche, hein, pour venir nous expliquer que les non-souchiens avaient brillé par leur absence aux obsèques de Johnny. Putain, donc en gros, pour lui, il n'y avait pas assez de noirs et arabes dans la rue pour les obsèques de Johnny. Ah, mais putain, mais Finkielkraut, pire que l'inutile celui-là, hein, une capote trouille, il sert à rien, il fait juste chier. Mais c'est maladif chez lui, hein, mais il ne s'arrêtera jamais. Je vous jure, cet homme-là, faut même arrêter de parler de lui. Il ne s'arrêtera jamais, même jusqu'à sa mort. Même sa mort, si ça se trouve, à son enterrement, il va se relever de son cercueil comme ça. Il va dire : Où sont les noirs, les arabes ? Vous voyez ? J'avais raison ! Avant de se réavachir comme une merde, comme ça. Mais c'est pas possible. Une obsession pareille, putain. Il ne s'arrêtera jamais. D'accord ? C'est une montgolfière de la connerie, Finkielkraut. Et encore, hein, t'as même pas besoin de le chauffer. Il décolle tout seul, celui-là. Alors, plusieurs éléments par rapport à ça. Eh, déjà, c'est nous qui payons le banquet, d'accord ? Alors, on a le droit de pas venir, non ? Mais c'est pas possible quand même. Déjà la France est rince à nos frais sans nous demander notre avis. Et en plus, c'est quoi ? C'est une obligation, c'est une invitation obligatoire. On marche sur le dos ici. On marche sur le dos. Alors également, on ne compte pas les gens, Alain. On ne compte pas les gens. On ne fait pas ça. Hein. C'est quelque chose de grave. L'histoire nous l'a prouvé. Putain, donc arrête là, le comptable de la Discorde. Et puis ça suffit, putain. Hein. Alors il faut acheter tous les bouquins de Caroline Fourest. Il faut s'abonner à Charlie Hebdo. Il faut assister aux prêches de Chalgoumi, il faut descendre dans la rue à chaque fois qu'il y a un attentat terroriste, il faut écrire des tribunes contre Tariq Ramadan, mais putain, mais pour toi, être musulman, c'est un travail à temps plein, tu vas les lâcher un petit peu, merde, c'est quand même pas possible. Et enfin, tu utilises l'expression les non-souchiens, donc tu reprends l'expression souchien d'Ouria Boutel-Jack, t'es censé détester, d'accord, et tu légitimises cette expression. Mais cassez-vous avec cette expression, hein, parce que les gens, ils s'offusquent à juste titre parce qu'ils sont appelés les non-souchiens, mais quand on appelle les blancs souchiens, il faut parler aussi, mais cassez-vous, moi je suis un souchien. Mais vas-y, mais casse-toi. J'annule la création de cette expression, de quoi vous me parlez. Et arrêtez avec l'hypocrisie de mais non, mais c'est l'étymologie, ça vient de français de souche. Arrêtez de faire semblant de pas entendre la phonétique insupportable de ce mot, hein. Ça fait sous-chien, d'accord, on entend tous la même chose. De toute manière, même le concept français de souche, je suis contre. Alors cassez-vous avec ça, je suis pas un sous-chien. Arrêtez parce que ça agace tout le monde, hein. Et surtout les bienveillants, d'ailleurs que les bienveillants, la preuve, les malveillants reprennent vos expressions. Hein, donc arrêtez, cassez-vous de là, je suis un sous-chien, moi, t'es un non-sous-chien, toi. Ça n'existe pas, ça. Barrez-vous de là. Alors, les amis, bon, moi je vais parler tout de suite d'emblée, comme ça au moins ça sera fait. Donc vous l'entendez, hein, il hurle, il fait des références, et oui, machin, et en parlant de Finkielkraut, il dit voilà, tu veux qu'on dénonce, on fasse des tribunes contre Tariq Ramadan, il faut écouter Caroline Fourest, et trucs et machin. Alors, je suis pas en train de dire du bien de Caroline Fourest, etc. La bande à BHL, quoi. Mais c'est très intéressant et très révélateur. Parce qu'en fait, derrière cette espèce de pseudo-spontanéité, il sait très bien ce qu'il place. Et on voit bien que c'est la petite pute. Enfin, c'est la petite pute vidéo, quoi, de Plenel et de sa clique à Mediapart, en fait. Pourquoi ? Parce que quand vous dites. Parce qu'il enchaîne des noms en attaquant Finkielkraut. Déjà, ça fait plaisir aux musulmans, d'accord ? Les musulmans sont anti-juifs, donc ils sont contents de voir un blanc s'exciter contre les juifs. Point barre. C'est le secret de Soral, etc. Donc c'est pas la peine de chercher midi à 14h. Donc il dit, voilà, en parlant de Finkielkraut, quand il prend Finkielkraut à part, symboliquement, il dit, voilà, tu veux nous forcer à dire du mal de Tariq Ramadan. Bon, à qui ça s'adresse ? Ça s'appelle à Robert dans la Creuse, ou ça s'adresse à Mohamed, militant du CCIF, hein ? Voilà, on s'entend. Donc, C'est un Plenel boy, hein, tu vois, ou lady boy même plutôt, et qui envoie le message, dire, voilà, derrière sa fausse indignation spontanée, en fait, c'est très très calculé, c'est de dire, voilà, on n'est pas de la team BHL, bon, ça je peux le concevoir, On n'est pas de la team Finkielkraut, d'accord. Nous, on est la team frères musulmans. Voilà. On a la team frères musulmans et on s'indigne et machin et truc. Alors les sous-chiens, quand même, ça va un peu trop loin. Alors le gars, il est perdu parce que en même temps, il n'est pas content qu'on dise le mot sous-chien parce que comme il y a Buteja qui l'a dit, alors Buteja, ça va un petit peu trop loin, donc quand même pas. Mais en même temps, sous-chien, il y a Finkielkraut qui l'utilise aussi, donc c'est pas bien non plus. Voilà, donc ils sont un peu perdus, hein, à l'extrême gauche. Hein. Ils sont un peu perdus quand même. Ils savent pas bien. Ils sont en train de se faire déborder par les métèques, en fait. C'est ça qui est drôle, quoi. Alors, Argaël, est-ce que tu peux réagir là-dessus? Bah, le gars, ouais. Alors, déjà, le fait, il est insupportable. C'est un supplice à l'écouter. Mais tu sens que le mec, voilà, il veut faire dans le conformisme total. Hein, c'est vraiment voilà, le robinet d'eau tiède, mais en version slammer, nègre blanc, bounty. Tu vois, il me fait un peu penser à M. Pokora, mais M. Pokora est beaucoup moins conclu. Hein. Alors, au-delà de la forme, le fond du message, c'est voilà, le ramasser, voilà, la merde qu'on essaie de foutre dans les cerveaux de tous. On essaye au maximum d'avoir un discours Charlie, d'avoir un discours qui attaque toutes les valeurs identitaires civilisationnelles. Donc voilà, le gars, il est vraiment au service du politiquement correct, de la bien-pensance de gauche, et on ne s'y trompe pas, puisque il plaît beaucoup aux Afro-Maghrébins, apparemment. Et de voir un blanc, en plus, comme ça, faire la serpillière. Évidemment que ça plaît aux envahisseurs, évidemment que ça plaît, à toute cette racaille quand ils voient un blanc essayer de les singer et dégueuler sur ses propres congénères. Donc ce type-là est effectivement insupportable. Alors je ne sais pas s'il fait ça aussi dans la vie, mais ce serait assez amusant qu'il tombe sur un contradicteur aux arguments percutants, je dirais. Je sais pas, on sait même pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie, est-ce qu'il est au RSA ou est-ce qu'il est fonctionnaire, c'est difficile à définir. Mais c'est vraiment la serpe. Enfin, c'est le genre de mec, tu vois, qui est bénévole à la fête de l'UMA, quoi, tu vois. C'est vraiment ça, quoi. Enfin, bon, au-delà... Et quel courage, quel risque prend-il à faire ces vidéos agressives, tu vois, comme ça, que le mec, c'est vachement rebelle comme attitude, c'est vachement dangereux, tu vois. Il se met en péril, le mec, en faisant des vidéos pour ressortir la même merde qu'on entend à la télé tous les jours. Quoi. Et le mec, je suis sûr qu'il se prend pour un mec qui a une poêle à gratter dans le système. Je suis certain qu'il imagine qu'il est voilà, une voix discordante dans la société ambiante. Oui, probablement, oui. Qui d'autre avant qu'on fasse une pause musicale sur ce... Mais non, ce mec-là, moi, m'a fait souffrir trop souvent. Oui. Malheureusement, quoi, tu vois, mais il m'a fait souffrir, hein. Au niveau auditif, j'entends. Il y a un truc que vient de dire Argan qui est très, très, très, très vrai, c'est-à-dire que souvent, là, ces mecs d'extrême-gauche se prennent pour des résistants, en fait, au système, alors qu'en fait, ce sont les idiots utiles. Il y a, je sais pas si c'est la Horde ou si c'est un autre site, mais en fait, ils prennent le nom de Samizdat, qui étaient les résistants anticommunistes, en fait, sous le régime communiste. Et les mecs étaient, quand ils étaient trouvés, tu vois, bon ben, ils étaient souvent envoyés au goulag ou exécutés, quoi. Et ces mecs-là se prennent pour des héros, en fait, des résistants, des gens qui véritablement ont cette, enfin, ils se prennent pour des héros. Je peux pas dire mieux, quoi. Alors qu'en fait, ce sont vraiment des abrutis finis, quoi. Et plus que des abrutis, c'est d'abord, bah, typiquement déjà, c'est, enfin, là, c'est une petite dérive de la discussion, mais. Le profil psychologique moyen du militant gauchiste endurci, c'est déjà d'être un mouchard. C'est-à-dire que le type dit ouais, nique les keufs, abat les flics, etc. Dès qu'il y a une manif nationaliste, même anecdotique, les mecs, premier réflexe, ils appellent les flics, il faut faire annuler la manifestation. Donc les mecs vont chialer à la préfecture, machin. Enfin, c'est vraiment des guignols. Et généralement, d'ailleurs, ils viennent, ce sont des fils de profs, des fils de la petite bourgeoisie fonctionnaire de gauche. Il n'y a pas plus repoussant sociologiquement que ces gens-là. Moi, je les ai eus, c'est-à-dire que j'ai eu affaire à eux, quoi. C'est des branleurs de 18 ans qui ont vécu avec des parents profs, profs socialistes, bien sûr, et syndiqués, ça va sans dire. Bon, on ne sait pas pourquoi ils se syndicalisent, d'ailleurs, puisqu'on ne peut pas dire que leurs acquis étaient vraiment en danger, mais peu importe. Et en fait, le type, pendant 18 ans, bon, là c'est ma partie un peu humaine, c'est-à-dire que pendant 18 ans, il a été exposé à des discours comme ça, matin, midi et soir, à table. Bon, en plus, la télé était allumée, il y avait Canal+, donc s'il y avait encore un micro-espace d'intelligence disponible dans son cerveau, elle a été complètement pulvérisée par cette télé de merde. Et donc, à 18 ans, le type est un militant de gauche, tu vois, mais convaincu, un machin. Et le type, il termine logiquement chez Mélenchon. Et la fin de la fin, la finalité de la finité, ça consiste en gros à servir de... presque réellement, quoi. Ça consiste à nettoyer les chiottes avec sa langue dans des toilettes publiques du 19e arrondissement. Voilà, c'est à lécher de la merde de nègre et du foutre d'Algérien, vraiment dans des chiottes d'un bistrot obscur du 19e, quoi, et de s'en faire une gloire, quoi. Moi, c'est à peu près là que je les situe, hein, franchement. Ce type-là... C'est la fin de la gauche, hein, c'est la fin de la gauche. Non, mais ce type-là, tu aurais imaginé, tu sais, dans tes délires les plus... Il est propre sur lui, hein, il est propre sur lui. Ouais, enfin, il est propre, ouais. Oui. Il a sa chemise, il a son truc, il a son... Il est blanc comme... Bon, je suis... Ouais. Persuadé que je suis persuadé qu'il y a du polonais là derrière ça, hein. C'est sûr. Un mec comme ça, ça passe pas les sélections de la Waffen-SS, hein. Ouais, même non, à la fin de la exactement. Guerre. Mais pour en venir à ce que je disais, mais ce type-là, c'est même dans les téléfilms produits par les frères musulmans en Égypte, tu trouves pas un blanc qui est aussi caricatural. Dans la position des frères musulmans, quoi. Ça n'existe pas. Le type bave sur fille que le croit, tu sais pas pourquoi, comme ça, parce qu'il a bavé sur les Arabes, quoi. Même nous, même moi, hein, particulièrement, qui ne suis pas particulièrement philo-sémite ou autre, J'ai jamais été aussi virulent envers juif que ce type ne l'était envers Finkielkraut. Hein. C'est quelque part c'est polonais. Bah tu sais quand ces gens de gauche touchent à la prunelle de leurs yeux que sont les musulmans, parce que c'est quand même ça. Ils rentrent dans un état second et ils livrent le fond, leur véritable fond. Ils parlent en toute sincérité et tout d'un coup ils s'indignent. Non, ça va pas être sincère du tout. Hein. Si. Enfin, il y a le côté surjoué. C'est surjoué quand même. Hein, mais attention, hein, je veux dire. Oui, le fond est sincère. L'amour du métèque, de la gauche. Attends, l'amour de la gauche pour le bougnoul. Il est sincère, hein. C'est quand même une histoire. Tu vois, c'est quand tu vois deux chiens qui se reniflent le cul, tu vois, c'est jamais un hasard, tu vois. Oui, bien sûr. Et quand tu vois un mec de gauche renifler le cul d'un bougnoul, c'est jamais un hasard, tu vois. Bon, voilà. Ben notre ami de, c'est pas Osons causer. Oui, à Osons causer. Oui, ça c'est le l'enfant à barbe. Je confonds. Quoi ? Non, c'est. Oui, l'enfant à barbe d'Osons causer. Mais c'est pas grave, ça c'est sans importance. On connaît pas. Mais tu vois, Osons causer est une larve gauchiste et c'est pas un bougnoul mental, donc il est supportable. Moi, tu vois, quand un mec. Il est supportable. Moi, tu vois, je vois un enfant à barbe qui vient me faire la leçon, tu vois. Moi, je prends mon gros point parce que. Je suis pas petit, moi, je suis assez épais. Hein. Les gens se méprennent d'ailleurs à ce sujet, je sais pas pourquoi, mais enfin, peu importe. Je fous une danse, moi. Hein. Osons causer avec sa barbe. Non, sa barbe fleurie, attends, machin. Non, mais franchement, avec sa barbe fleurie, machin. Ah non. Moi, comment vous connaissez ce genre de type? Je connais pas. Mais parce que d'abord, c'est toutes les curies Mediapart. Les types font 500 000 vues sur Facebook ou 700 000 vues, machin. Ils enfoncent des portes ouvertes et ils rabattent à mort, tu vois, du jeune con, tu vois. Vers les bougnoules, putain, point barre, c'est tout, quoi. C'est exactement ça. Non, mais par contre, tu vois, le fait de se mettre en avant comme ça, avec les points tu sais, les poings un petit peu en arrière, en mode je vais te défoncer. Enfin, pour moi, tu vois, c'est vraiment le signe d'agressivité, mais ça, il ne peut faire ça que devant une caméra. Parce qu'un type qui est un bougnoule, tu lui fais ça, évidemment, comme les animaux, il va réagir. Mais si tu tombes sur un mec qui sait ce que c'est qu'un signe d'agressivité comme ça, il le défonce. Donc ça, tu vois, il ne peut faire ça que chez lui, dans son appartement, avec sa vieille bouteille de bain, et puis en mettant... à chaque fois, il met un livre à la con en évidence. Il ne peut faire ça que dans un appartement. Parce que même ça, tu vois, dans un dîner entre gauchistes, il ne peut pas le faire, tellement c'est caricatural. Alors effectivement, je me demande comment il arrive à atteindre de tels scores, parce que j'ai... Même en ayant vu quelques gauchistes dans la vraie vie, j'en ai vu aucun qui se comportait à ce point-là. Jamais. En fait, c'est les, ceux qui se comportent comme ça, c'est les mecs qui sont généralement hyper militants et qui sont vraiment antifa et qui sont engagés, quoi. Parce que dans ma ville, il y en a beaucoup des gauchistes. Hein, et j'ai très très très rarement vu effectivement des gens comme lui. Hein, t'as bien décrit, parce que en général, les gauchistes ici, si t'es prêt à parler en fait avec eux, si t'es prêt à, enfin si t'es cool, et si tu veux débattre, les mecs sont prêts à débattre en fait. Hein, et les gens énervés comme ça, bah, c'est vraiment les mecs qui ont un intérêt dans la politique, tu vois. Comme disait Gandalf, quoi, bah lui il doit bosser directement pour plaider les Mediapart, ça se trouve, quoi. Et ouais, les mecs qui sont vraiment engagés et qui ont des billes dans le système vont être comme ça, prêts en découdre, quoi, ou moins faire semblant d'eux. Je pense qu'ils bossent directement pour Amar Lasvar, hein, de mon côté. Et en fait, probablement la bouteille de rouge, parce que pendant très longtemps il mettait la bouteille. Il a enlevé d'ailleurs, je sais pas, il a peut-être reçu une consigne de Amar Lasvar d'ailleurs. C'est symbolique, ça. Donc rouge pinard, c'est pour lui, tu vois, mais c'est vraiment bon. Pour lui, ça incarne la France, tu vois. Ah bah ça fait le rouge. Conversano après, attends. C'est le truc, le rouge, bon, le côté terroir un peu, voilà. Voilà, on a une culture, mais une culture vivante, quoi, une culture, voilà, un peu paillarde, machin, mais aussi un truc plus pointu, plus sophistiqué, la culture, l'art de la discussion, tous ces trucs-là, voilà, enfin, très snob, et là, on pose un bouquin, vous voyez, c'était marrant de voir le truc, et visiblement, alors, la bouteille a été cavardier, alors, je présume qu'effectivement, que, évoluant pas à pas, à son rythme, mais quand même, mais vers le chemin de la conversion, bon, il s'est dit, c'est un petit peu en trop quand même, surtout vu mon public, donc je vais quand même enlever la bouteille de rouge. C'est agressif, voire oppressif. Donc voilà, donc c'est bien, il change. Prochaine étape, le talamante. À la shahada d'abord. Bah, moi je veux la shahada en slam, moi je la veux. Ça a dû être déjà fait il y a quelques mois. Bah vas-y, comment dire, vas-y, là, Mahomet, le prophète, machin, truc, putain, je veux voir ça. Ah là là, allez, pause musicale, et on se retrouve tout de suite après. A good search and hide. Nous revoici, chers amis, pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 2, épisode 45. Alors, on va commencer avec un premier thème de discussion pour cette deuxième partie. Alors, moi, ça m'a... Bon, je me suis dit, il faut que j'en parle, parce que je trouve ça... ça en devient presque mignon, vous voyez. C'est le folklore yiddish, comme ça, ça devient intéressant. Alors, je commence, je vais vous lire l'article, en fait, in extenso. C'est un article de la presse américaine. Sur, alors, les entreprises de tests génétiques, alors, vous savez, c'est très populaire dans nos milieux, évidemment. Boum, méchant parce... Ouais. Vous savez, c'est très populaire dans nos milieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir exactement leur origine, leurs ancêtres, etc. Alors, chacun en pense bien ce qu'il veut, mais disons que, voilà, puis ça s'est démocratisé, c'était génétique. D'ailleurs, c'est un des progrès de la science... les plus tangibles, quoi. On voit bien que la science génétique devient vraiment accessible à tout le monde. Pour 100€, vous pouvez faire un test, voilà. Bon. Et vous dites, c'est formidable, je vais pouvoir savoir d'où viennent mes ancêtres, etc. Sauf que, des gens, des empoisonneurs, sont passés par là. Je vous livre l'article en question. Alors, je vous lis. Enfin, c'est un article assez long, donc je vais pas vous le lire en entier. Je vous prends juste la partie qui est intéressante. Donc, faites pas attention si ça commence pas de manière très, très. Enfin, ça démarre un peu de façon brutale. Ça cite un des spécialistes, un des. Je sais pas, un docteur quoi, mais un des techniciens quoi en charge des tests génétiques et de leur analyse. Alors voici ce qu'il dit. Je n'ai souvenir que de deux fois où quelqu'un voulait être testé pour être d'une autre origine parce qu'il n'aimait pas son origine d'appartenance, quoi. Enfin, en tout cas, le résultat qu'il avait obtenu. Les deux fois, c'était un blanc. Hein. Les deux fois, c'était des blancs qui ne voulaient pas croire qu'ils avaient des ancêtres noirs. Le premier des deux nous a dit directement, je cite, « J'espère que cela montrera aux gens que je ne suis pas noir ». L'article continue, et ce n'était pas une blague. Il était sérieux. Le second client était encore moins subtil. Je cite, il s'est retrouvé à utiliser, enfin là je cite le technicien, il s'est retrouvé à utiliser le mot nègre. Il nous a dit, je veux savoir si un membre de ma famille est effectivement un nègre. L'article continue. Morgan et ses collègues étaient pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire se retrouver dans la merde avec des racistes. Cela pourrait être marrant de jeter un 10% ouest-africain, mais il pourrait faire chier un type très dangereux, capable de venir dans leur bureau en agitant une arme. Et là, l'article cite les techniciens, le technicien en question, le Morgan. Comme on ne pouvait rien changer au résultat, ce que l'on a fait, c'est d'ajouter moins de 1% à toutes les catégories africaines. De cette façon, nous ne mentions pas et ils se demanderaient combien signifie moins de 1%. Nous leur laissons se demander si c'est 1 ou 0. Et cela a eu des résultats, poursuit l'article. Il cite encore... Les gens du genre à utiliser le mot « nègre » nous ont écrit pour nous demander ce que cela voulait dire. Et nous leur avons répondu que cela voulait dire moins de 1%, tout simplement. Et nous ne disions pas zéro. À moins qu'ils aient passé un autre test, cela allait les ennuyer. Peut-être qu'ils n'étaient pas à 100% caucasiens, donc après tout, quoi. Je veux dire, ils l'étaient selon nos résultats, mais de cette façon, cela laissait la porte ouverte. Ils se poseraient toujours la question de savoir si effectivement ils étaient caucasiens ou non à 100%. Donc en fait, les techniciens en charge donc de l'analyse génétique, ça c'est dans les grandes boîtes américaines. C'est quelle boîte 23,5, Ancestry et tout ça. Ouais, c'est Google. 23,5. Alors 23,5, surtout. Bon, on va y revenir. Mais donc c'est des boîtes, en fait, ils disent, en gros, on a eu des racistes qui sont venus se plaindre. Parce qu'effectivement, peut-être que parfois un raciste arrive en disant ouais, vous avez dit que j'avais du sang africain, c'est pas vrai. Or, c'est possible que ce soit vrai, quoi, d'accord. Et ils se sont dit, on va adopter une procédure standard. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'un blanc viendra demander un test, d'office, on lui met moins de 1% de sang nègre. Voilà. Moins de 1%, ça peut être 0,01, ça peut être 0,000, ça peut être 0,2, peu importe. Mais ils disent, d'office, t'es un blanc, on te met moins de 1%. Comme ça, on va te faire chier si t'as des motivations raciales, tu vois, et tu vas pas trop nous poser de questions et tout, on va te laisser gamberger. Et ça, c'est ce que disent, donc, c'est ce que, en fait, dans cet article, révèle les types qui bossent dans cette boîte. Et en fait, c'est une énorme bourde parce que bah, c'est un peu la clientèle de fond quand même de ces gens. Alors, avant qu'on creuse sur le pourquoi du comment, qui, peut-être dans notre équipe, peut-être des gens l'ont fait, moi je le ferai jamais parce que je trouve ça... Enfin, je sais d'où je viens, je sais qui sont mes ancêtres, donc j'ai pas trop de questions à poser, mais peut-être que d'autres l'ont fait. Ouais, donc en fait, ouais, j'ai fait le test. Ben écoutez, économisez les sous, les mecs. De toute façon, on est 100% nègre, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Donc, non, blague à part, bien sûr, j'ai pas fait le test. En revanche, je trouve que c'est intéressant dans le sens où toutes les familles, en fait, n'ont pas tracé sur plusieurs générations en arrière, voire plusieurs dizaines de générations en arrière, leurs origines. Et c'est vrai que d'un point de vue de la construction de l'identité personnelle, donc là je ne parle pas d'identité politique en fait, de politique identitaire, mais bien de l'individu, c'est intéressant de savoir d'où on vient. Parce que bah, effectivement en Europe on a quand même eu des mélanges, je ne parle pas de métissage, mais des mouvements de population au sein de la France. Et c'est vrai que par exemple vous avez des gens, moi j'ai une partie de ma famille qui est normande, pourtant j'habite plus en Normandie. Et par exemple, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant pour moi de savoir qu'est-ce qui chez moi est encore normand, par exemple. Ou par exemple, des gens qui vont avoir des ancêtres anglais, mais ils n'en savent pas plus, enfin, ce genre de choses, quoi. Et en fait, on voit encore une fois de plus que l'idéologie chez ces gens-là prenne le pas sur le côté pragmatique et qu'en plus, ils sont assez cons pour en faire la réclame. C'est-à-dire que, comme tu l'as bien dit, leur fonds de commerce, c'est quand même les gens qui veulent savoir d'où ils viennent, savoir donc quel est leur patrimoine génétique, donc des gens qui certainement sont quand même attachés aux résultats, quoi. Et là, ces mecs-là sont assez cons pour admettre qu'ils les truquent, pour faire chier les gens qu'ils estiment racistes. Donc ça, moi, je trouve ça déjà magnifique. Et encore une fois de plus, ben voilà, le truc, c'est que forcément, c'est quand même, je pense, une majorité de blancs qui vont faire ces tests. Et encore une fois de plus, ben on voit que des blancs qui veulent trouver qui ils sont, en fait, au sein de la communauté blanche, on va dire, ces gens qui veulent savoir ce qu'ils sont, ben c'est de suite suspect, quoi. C'est-à-dire que si t'es juif, si t'es noir, si t'es arabe, et tu veux éventuellement connaître des choses sur toi-même, ben, c'est très bien, tu vois, on va t'y encourager sur tous les plans. C'est-à-dire que, on a l'Institut du Monde Arabe, par exemple, on a plein de trucs à gauche et à droite, d'un point de vue culturel, qui va encenser la diversité. Et puis, quand t'es blanc et que tu veux aller chercher quelque chose sur toi-même, ben, là, c'est le côté génétique, et ben encore une fois, ben, c'est suspect, quoi. Donc, le blanc est toujours suspect de façon de quoi que ce soit. Voilà. Qui d'autre sur cette histoire ? Non, mais c'est... comment dire ? Si tu veux, c'est, là on a affaire à des types qui pratiquent une discipline scientifique. Je vais quand même préciser, parce que je m'en veux de t'interrompre, mais tu reprends. Disons que cette entreprise, enfin l'entreprise 23,5, a été créée par Anne Wojcicki. Donc, qui est une juive polonaise dont la sœur est responsable chez YouTube et qui fait la chasse aux racistes en ce moment chez YouTube. Oui, tout ce qui est c'est Google, hein, je crois, Google. Oui, voilà. Donc en fait, la famille Wojcicki, si vous voulez, il y a quand même une constante, notamment au niveau des gènes, c'est-à-dire que, bon, à part les gènes du peuple élu, les autres n'ont pas tellement le droit de citer, quoi. Alors que ce soit chez YouTube ou dans les trucs génétiques comme 23andMe, les blancs n'ont pas le droit d'avoir leur espace, non, eux, c'est interdit. Par contre, Jérusalem est bien la capitale du peuple d'Israël, on est d'accord. Oui, tout à fait. Non, mais c'est bien d'avoir en fait ces précisions-là de leur part, quoi, en gros, hein, c'est-à-dire qu'ils truquent les résultats volontairement, mais c'est le moins de 1%, donc si vous faites des tests de ce type-là, que vous voyez des trucs à moins de 1%, bon, n'y prêtez même pas attention. Hein, ça, c'est juste de l'erreur statistique. Écoutez, moi je vais vous dire un truc. Il est inutile pour ceux qui sont parmi nous et qui ont quand même, qui vivent dans un certain milieu géographique, d'aller creuser excessivement génétiquement. Je veux dire, si vous venez, je ne sais pas, je vais donner un exemple de Normandie, et que tous vos ancêtres viennent de Normandie, alors je sais que tout le monde n'est pas dans ce cas précis, mais par la généalogie, en fait, et ça c'est un passe-temps qui vaut la peine, à mon avis, d'apprendre sur sa famille, parce que c'est pas pour du beurre que nos ancêtres se cassaient le cul à entretenir des registres paroissiaux, notamment. C'est pour laisser des traces. Donc, par la généalogie, vous pouvez savoir d'où vous venez en réalité. D'accord ? Alors, il y a des gens qui sont dans une situation très très complexe. C'est-à-dire, j'ai un grand-père qui est normand, j'ai un grand-père qui est basque, j'ai un grand-père qui est corse. Bon, évidemment, il y a des gens comme ça, c'est très très éclaté, quoi. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui viennent, en gros, bon, de la moitié du quart est, du quart nord, du quart nord-ouest, etc. Donc vous pouvez quand même, sur la base de la généalogie qui est accessible aujourd'hui, définir d'où vous venez. Donc il n'y a pas besoin non plus de tomber vraiment dans l'approche génétique totale, quoi. C'est vraiment quelqu'un, si vous voulez, qui serait né à Paris, de grands-parents, si vous voulez, qui viennent d'absolument partout, vous lui dire, bon tiens, est-ce que je suis plus du nord, plus du sud? Bon, voilà, vous pouvez éventuellement vous poser la question, mais même avec votre phénotype, vous le saurez. Grâce au phénotype, vous pouvez déjà savoir quelle est l'influence majoritaire de votre groupe, quoi. Est-ce que vous êtes quelqu'un du sud de l'Europe, de l'est de l'Europe, des Balkans, enfin, bon, vous le saurez. Donc, c'est pour ça que moi, je suis pas dubitatif en soi, je veux dire, pourquoi pas, mais c'est pas absolument nécessaire si vous avez des connaissances familiales assez établies. Enfin, j'ai envie de te dire, papa, c'est sûr, maman, peut-être. Non, c'est le contraire. Peut-être. Ça peut arriver d'avoir effectivement des cas familiaux. Maman c'est sûr, papa peut-être. Oui, ça arrive, bien sûr, ça arrive. Et dans ces cas-là, ça peut être intéressant. Mais bon, attention, dites-vous bien ça, attention, parce que ça truque. Oui, attention à la... Attention à la mainmise, voilà. Attention à la variable juive, quoi. Et aussi, truc qui n'est pas dit, c'est que ces boîtes-là filent toutes leurs données au FBI. Hein. Eh oui. Donc, ne soyez pas cons. Je veux dire, quand vous donnez librement, parce que vous signez plein de papiers, machin, librement votre code ADN, à des boîtes, c'est revendu à gogo. Donc voilà, c'est votre code génétique, c'est pas rien quand même. Donc évitez de le balancer à tort et à travers pour savoir si vous venez plutôt du quart nord-ouest de l'Europe ou du quart nord-est ou machin. Ouais, c'est un peu ce que j'ai envie de dire, quoi. Voilà, enfin bon. Qui veut rajouter quelque chose sur cette histoire? Peut-être Argaël aussi sur cette histoire d'ADN? Ouais, parce que bon, c'est toujours les mêmes qui souille tout. Voilà, il y a un truc, il y a une volonté, même, voilà, ils se sentent obligés de trafiquer la vérité, hein, on sait dans pas mal de domaines, et même là, ça les fait chier qu'il existe des blancs qui soient homogènes ethniquement, qui n'aient pas de sang, qui vient d'ailleurs. En fait, voilà, c'est le problème, c'est qu'ils se doutent bien que beaucoup de blancs, n'ont pas envie d'avoir du sang, enfin, à part quelques gauchistes qui doivent rêver d'avoir du sang d'Africain dans les veines. On en a parlé d'ailleurs. Les blancs veulent contrôler, en fait, je pense, le fait qu'ils soient blancs et qu'il n'y a justement pas ça. Et donc ça les emmerde. Et ils ont trouvé le truc, on va trafiquer les résultats, comme ils doivent trafiquer énormément de résultats. Et on peut voir dans la vie de tous les jours. Et donc ça aussi, ils tiennent ce truc-là. Et quelle horreur, des blancs veulent absolument se confirmer qu'ils le sont bien jusqu'au moindre pourcentage de l'ADN. Mais je suis pas du tout étonné. Donc c'est vrai que tous les nations qui se précipitent sur ces tests, qui leur coûtent quand même un petit peu d'argent, Bah écoutez, mettez cet argent pour adhérer dans un parti politique, pour acheter des affiches, des autocollants, des bouquins, ce que vous voulez, mais allez pas filer votre fric chez ces escrocs qui, même si vous êtes à 100% à rien, vous mettront, parce qu'ils en sont dégoûtés, et bah ils vous mettront un petit pourcentage d'origine africaine complètement fausse. Voilà. Donc franchement, comme disait Gandalf, inutile en plus d'aller balancer son code génétique à ces enfoirés. Alors, deuxième sujet de l'émission, deuxième thème du débat de cette émission, c'est la censure. C'est la censure sur YouTube, c'est la censure sur Facebook, c'est la censure sur toutes les plateformes en fait, grandes ou petites. Je me suis dit que c'était intéressant d'en parler. Parce que en fait ça nous vise tous et progressivement on va commencer à se faire écraser. Alors je vais citer l'exemple d'Alain Soral, en fait, parce que Alain Soral a fait la une ces derniers jours parce que ses pages Facebook, alors les pages d'égalité et réconciliation et sa page personnelle d'Alain Soral a été supprimée arbitrairement, et ça a fait suite d'ailleurs à la suppression de la page du dessinateur Marceau. Des pages qui quand même regroupaient pas mal de monde. Hein. Ah oui, c'était beaucoup. Cumulé, c'est pratiquement 300 000 personnes. Qui était là depuis vraiment plusieurs années sans avoir été banni. Soral s'était déjà fait supprimer une première fois sa page. Ouais. Il en avait recréé une. La sienne personnelle faisait 110 000, je crois. Et la page d'égalité et réconciliation faisait 170 000. Et donc, cumulé, ça faisait 280 000. Et ces pages ont été supprimées. D'ailleurs, c'était au fond, je trouve que c'est très exagéré, parce qu'en fait, ces pages n'étaient pas très dynamiques. Je veux dire, ce n'était pas des pages qui faisaient des milliers et des milliers de partages, etc. Hein. C'était... Bon, beaucoup de gens. Il y avait une certaine inertie en fait, oui, c'est-à-dire qu'il y avait inertie, des likes, voilà. Mais très peu de dynamisme, ouais, voilà. Très peu, relativement, ouais, voilà. Peu par rapport au nombre de suivants. Ouais, je pense que le point fort en termes de communication d'Alain Soral se situe sur son site internet en fait. C'est égalité-réconciliation.fr, je pense que. Ouais, c'est la plateforme quoi, l'environnement, ouais, ouais. Hein, un petit peu comme. Comme ce qu'on essaie de faire nous, quoi, de notre côté. Ouais, voilà. Bon, alors évidemment, avec une audience moins, non, ça c'est absolument tout à fait clair. Mais c'est ça. Quoi. Disons que, bon, voilà. Pour Soral, est-ce que d'être présent sur le Facebook ou pas, est-ce que ça va avoir un gros impact? Sincèrement, je crois pas. Je pense pas. Il n'a pas axé son travail là-dessus. Le travail en qu'il tout a cas, fait plus maintenant. Il y a quelques années, c'était très... C'était encore très, très présent, t'avais ces cadres qui étaient dessus, qui étaient assez hargneux, quoi, hein, en plus. Oui, non, mais je veux dire, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est voilà, la présence de Soral sur l'Internet, c'est son site Internet, point barre. Ouais. Et alors, il a été évincé, là, quelques jours après Marceau, comme je l'ai dit. Donc là, on parle de Facebook, hein. Mais il a été restreint aussi sur YouTube. Certaines de ses vidéos ont été restreintes sur YouTube. Et c'est vrai que YouTube, parce que tous, autant qu'on est, je veux dire, on utilise Facebook, on utilise YouTube, ou parfois même on poste. Je veux dire, on crée des trucs et on les met dessus. Et donc, on est tous plus ou moins intéressés, je veux dire, même quand on est juste un commentateur Facebook, je veux dire, tu likes quelque chose ou tu veux commenter, tu te fais ban pendant 3 jours parce que t'as dit un truc qui plaisait pas, tu sais même pas trop pourquoi. T'as des trucs improbables des fois, enfin moi ça m'est arrivé, je veux dire, des fois moi je me fais banner 30 jours, genre ils ont dégoté une publication qui a genre un an et demi, quoi. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, quoi. Genre ils me sortent un truc, tu vois, et que j'avais complètement oublié. J'avais posté ça peut-être il y a 18 mois en avant. Et les mecs te disent c'est inacceptable sur notre réseau, etc. Blaf, 30 jours, quoi. Et à tel point que l'utilisation de Facebook devient désagréable. C'est même plus désagréable, ça devient. Tu ne veux même plus l'utiliser parce qu'il n'y a plus aucun confort, il n'y a plus aucune relation normale. Tu sens que les types sont derrière toi en train de te fliquer, de regarder ce que tu vas dire et tout. Et donc, le côté intéressant du réseau social, c'est-à-dire de pouvoir échanger avec des gens, a complètement disparu, quoi. Le côté spontané, frais, des débuts de Facebook, dont je me rappelle très très bien, quoi, a complètement disparu. Maintenant, il faut sous-peser n'importe quel mot, n'importe quelle phrase, faire attention à ne pas mettre une image du truc, du machin. Donc voilà, et sans surprise aucune, hein, c'est les derniers chiffres qui ont paru, plus de 40% des gens, enfin c'est, comment dirais-je, les gens en France ont passé 40% de temps en moins sur Facebook. Les utilisateurs de Facebook ont passé 40% de temps en moins en 2017, qu'en 2016. Donc il y a un effondrement de la fréquentation en raison de ça, c'est-à-dire que vous ne voulez plus fréquenter un endroit où on vous dit on ne veut pas de vous. C'est ça qui est aberrant. Et on est face à des entreprises qui en fait acceptent les Zoukas, mais des entreprises juives, soyons clairs. Enfin, Facebook c'est Zuckerberg, hein. Mais Zuckerberg n'a pas toujours l'initiative parce que les gouvernements en Europe mettent une pression énorme sur Facebook, c'est pas le cas aux États-Unis par exemple. Il y a des pressions, mais bien moindres, et il y a vraiment une mise en place d'une censure implacable, et on se retrouve dans cette situation où les gens ne veulent plus aller sur Facebook. Ils se disent, je vais là, moins de commentaires que je vais mettre, je vais me faire foutre dehors, etc. Bah, c'est comme une boîte de nuit, quoi. C'est-à-dire que l'argument de vente qu'ils ont, c'est dégage, on veut pas de toi. Hein, en gros, c'est ça maintenant Facebook. Hein. Barre-toi d'ici, on veut pas de vous. Enfin, barrez-vous d'ici, on veut pas de vous. Et donc, ces entreprises se subordonnent au gouvernement sans même vouloir défendre leurs consommateurs. Hein, c'est-à-dire, leurs clients, ils veulent pas les défendre, même quitte à aller devant les tribunaux, quitte à, voilà. Non, ils en ont rien à foutre. Ils s'alignent, ils ferment leur gueule. Ils adoptent le point de vue de l'État. Et notamment de la LICRA, etc., parce que c'est ça, et des lobbies comme ça, et donc, ils s'alignent progressivement, en se disant, bah voilà, on va être cool, on va être bien avec l'État, l'État va dire, bah voilà, des gens responsables, etc., et on va être gagnant. Bah non, vous n'êtes pas gagnant, parce que les millions de consommateurs se barrent, évidemment, ils se tirent, et donc, Facebook est en train de se... Bah clairement, en train de se casser la gueule, parce qu'une fois que vous avez pété la spontanéité, une fois que vous avez cassé la confiance dans votre modèle, ça prend le temps que ça prend, mais ça s'érode. Donc, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, Facebook, voilà. Et il y a des précédents comme ça, hein, de trucs qui ont cartonné pendant 2, 3, 4, 5 ans et qui ont disparu ou qui sont devenus anecdotiques. Bah, c'est pareil là. Alors, je dirais pas que Facebook va disparaître, mais je pense que Facebook est dans une phase extrêmement critique, en fait. Ben oui, parce... c'est les moments où tu as des plateformes comme ça qui brassent beaucoup d'opinions contradictoires, où, en fait, le fait d'avoir justement des méchants un petit peu comme nous et des gauchias, ça attire des gens, quoi, si tu veux, hein. Et quand tu es plus en ça, qu'il n'y a plus que tout le monde qui dit la même chose, ben finalement les gens se désintéressent, quoi. Ça finit par être aseptisé, mais ça meurt tout seul, quoi. C'est naturel, hein. Ouais, totalement, totalement. Argyle, qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah, moi, ce que j'en pense, c'est que si il y a une telle épuration, une telle purge, c'est qu'ils se disent qu'il y a un danger. S'il n'y avait pas de danger, ils ne mettraient pas ça en œuvre. Je crois que c'est quand même c'est un réseau social qui fonctionne et qui n'a pas d'équivalent jusqu'alors. Et nécessairement, en voyant des idées patriote, politiquement incorrect, anti-migratoire, prospérer sur ce média, ils se disent qu'il y a un danger. Donc, comme tu l'expliquais, il y a le risque qu'en censurant trop, le média perde de son intérêt et que les gens se barrent. Et ça, c'est le risque. Ils prennent ce risque-là là, actuellement, puisqu'on le voit depuis quelques semaines. C'est une véritable razzia qui sont faits sur les comptes patriotes, identitaires au sens large, enfin, tout ce qui ne va pas dans l'optique de mondialisme, de cosmopolitisme, d'immigration, de mélange des peuples, dès qu'il y a le moindre petit mot de travers, en particulier sur les pages publiques, puisque les pages privées ne sont pas encore attaquées. Là, il y a une véritable volonté politique, mais une volonté politique qui peut se retourner contre eux sur leurs intérêts commerciaux. Et c'est là peut-être que d'un seul coup, ils vont s'apercevoir que ce n'est peut-être pas une riche idée d'avoir fait ça, surtout de manière aussi massive et rapide. C'est quand même encourageant dans un sens où s'ils le font, c'est parce qu'ils estiment qu'il y a un danger réel d'éveil des consciences et d'éveil des peuples. Donc moi, je prends ça, voilà, j'essaie de voir le côté positif à ça, c'est que s'ils mettent en place ce rouleau compresseur de censure, c'est parce qu'ils se disent qu'il y a un danger, il y a quelque chose qui risque de leur échapper et qu'ils essaient de contrôler tant bien que mal la légitime révolte populaire qui s'exprime principalement sur les réseaux sociaux. Oui, c'est la traduction d'une position fondamentalement défensive. Bah, pour le coup, gens... c'est pas pour faire le judéo-centré, mais c'est... Le timing avec Aziza qui se fait virer de la chaîne parlementaire et qui est dans un placard, hein, et qui là, c'est Assoral qui se fait virer de Facebook avec son assos. Bon, je sais pas, mais on a l'impression qu'il y a quand même eu un juif qui a été énervé et qui a fait caca partout. Hein. Je sais pas pour vous, mais ça y ressemble un petit peu. Bon, je sais pas, non, je pense pas que ce soit vraiment la motivation. Je pense que c'est une décision vraiment étatique, gouvernementale. D'ailleurs, je vais m'arrêter là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui disent, j'ai entendu ça, des gens m'ont fait la réflexion, ils m'ont dit, ah bah oui, mais on censure les antisémites, c'est-à-dire ceux qui ont le courage de dénoncer les juifs... ou surtout les organisations juives politiques qui ont une activité subversive, etc. Mais ceux qui vomissent l'islam, ils sont tranquilles, parce qu'évidemment, et là c'est la rhétorique soralienne, parce qu'en réalité, secrètement, les juifs nourrissent l'idée, l'espoir d'un conflit de civilisation, ce qui est une connerie totale. Pourquoi ? Bah, la même semaine, Génération Identitaire a été virée de Litchi. Donc le site de crowdfunding, donc de financement participatif, ils avaient fait cette action magnifique, je saluerai toujours parce que c'est une action extraordinaire, quand ils avaient déployé la banderole sur le chantier de la mosquée de Poitiers, c'est-à-dire qu'ils ont quand même sauvé l'honneur de la France cette fois-là, à Poitiers, quoi. Alors, ils n'ont pas pu stopper évidemment la construction de la mosquée, mais ils ont montré qu'il y avait un esprit de résistance. Et ils ont fait cette action splendide où ils ont déployé la grande banderole en disant, je ne sais plus ce qu'il y avait marqué, non à la mosquée ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne me rappelle plus exactement, vous me corrigerez, vous mettrez la photo. Et les participants ont été persécutés pendant des années, on a fait traîner ça, voilà, comme la magistrature soviétique française en a le secret. Pour ne pas parler de sa dimension maçonnique, bien sûr. Et ces gens-là, bon, bah, après leur verdict, là, parce qu'ils ont été condamnés à des prisons de peine avec sursis de mémoire, mais enfin bon, quand même, même malgré le sursis assez spectaculaire, eh bien, ils ont essayé de financer leur défense. Ils ont dit, voilà, si vous êtes sympathisant de notre lutte contre l'islamisation de la France, vous pouvez nous soutenir. Vous pouvez soutenir les 5 personnes qui ont été jugées à Poitiers et leur permettre de se payer une défense, ce qui me paraît absolument essentiel, fondamental. D'ailleurs, je veux dire, j'y insiste, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de résistance sans pognon. Je pense qu'il faut, il faut vraiment le souligner, quoi. Je veux dire, quand ces 5 personnes-là se retrouvent dans un tribunal pour résister face à une invasion objective. Le moins qu'ils puissent espérer, c'est d'avoir un soutien financier pour se payer les avocats qui leur permettront de défendre leur point de vue, qui est un point de vue collectif. Il s'agit de défendre quand même la France française à Poitiers, lieu symbolique s'il en est, quoi. Faute de quoi, vous avez des photos à la con avec des quenelles, avec des salafistes qui se foutent de la gueule de Charles Martel sur le champ de bataille. Bon, voilà, il y a des choix à faire quelque part. Et donc, quand ces jeunes-là demandent des soutiens financiers, bah, il faut qu'ils aient les moyens de le faire. Quand les gens viennent me voir en me disant « Ah, Gandalf, seuls les antisémites sont persécutés », c'est des conneries. Génération identitaire et les identitaires sont certainement pas judéo-critiques ou antisémites. Certainement pas. Riposte laïque est très persécuté également. Voilà, ils ont été d'antisémitisme. Et riposte laïque a participé c'est pas une conférence, mais c'est une espèce de conférence ou une assemblée ou un salon du livre. Voilà, un salon du livre du Bnei Brit à Paris. Ils y ont participé. Est-ce que ça les a préservés des persécutions judiciaires? Absolument pas. C'est pour ça que les gens vivent dans des fantasmes, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un lobby, il y a un lobby juif très clair, mais ça n'implique pas tout le monde dans la communauté juive de la même façon. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour ou Golnadel sont certainement pro-israéliens, sont certainement anti-musulmans, mais ils sont certainement pas sur la ligne Bernard-Henri Lévy. Et la lutte d'influence au sein du CRIF est très clair, et Golnadel est minoritaire. C'est-à-dire que c'est la ligne de gauche juive qui est dominante dans le CRIF, clairement. La ligne LICRA. Et ce qui nous donne des trucs absolument rigolos, de la LICRA traînant en justice l'historien de la Shoah, Ben Soussan, avec l'aide des frères musulmans. Enfin, là, on est dans quelque chose de complètement nouveau, quoi. Donc, c'est clair que c'est pas univoque. Mais pour revenir à la génération identitaire, ils ont été poursuivis, virés de Litchi. On a essayé de leur interdire de mener leur opération Defend Europe avec l'affrètement d'un navire en Méditerranée pour surveiller les opérations de transfert de migrants musulmans vers l'Europe organisées par les ONG d'extrême gauche. Enfin, tout a été fait contre eux. Ils étaient contre Soros, objectivement, et ils sont persécutés pour ça. Bon, ben, dont acte. Dont acte. Et ils sont censurés et ils ne peuvent pas se financer. Par exemple. Et Soral, qui est sur un autre créneau, c'est-à-dire que lui il est très anti-juif, Soral, il est très anti-sioniste, comme il dit anti-sionisme. Moi, anti-sioniste, j'ai du mal avec ce terme. Moi, j'aimerais savoir qu'on m'explique ce que ça veut dire anti-sioniste. Est-ce que ça veut dire anti-israélien ou est-ce que ça veut dire anti-juif, antisémite? Je ne sais jamais ce que ça veut dire. J'ai toujours du mal à comprendre. Et chez Soral, j'ai pas l'impression que ce soit antisémite au sens racial, j'ai l'impression que ce soit anti-sioniste au sens anti-israélien. Bon, mais peu importe, on veut le faire taire, donc on lui ferme son site, enfin pas son site, mais on lui ferme ses pages, etc., et c'est la censure. Et puis Marceau, qui lui ne s'exprime même pas sur les juifs, hein, qui fait des dessins un peu critiques, etc., il est viré aussi. C'est-à-dire que tout le monde est viré, c'est-à-dire tous ceux qui, par un biais ou un autre, critiquent la société multiculturelle. Juste, c'est ça le truc. Notez que nous, ça fait plus d'un an qu'on a été virés. Hein. Bon, nous, on a été virés de Facebook deux fois, de SoundCloud deux fois, de YouTube deux fois. Alors ben, c'est clair, on a été virés, et ça n'a pas mis longtemps. Hein. Ça n'a pas mis longtemps. Hein. Et alors, là, j'en viens un petit peu à l'alternative, c'est-à-dire que, en fait... Les réseaux sociaux, ça a été un petit peu le nouvel horizon de l'Internet il y a environ 5 ans, 6 ans, avec le décollage de Facebook, etc. Et on nous vendait le truc, c'est un grand moment de liberté, les gens vont pouvoir discuter les uns entre les autres. Tu sais, comme si les gouvernements allaient fermer les yeux sur ce qu'ils se disaient, etc. Et là, les gens sont en train de découvrir, petit à petit, qu'en fait, le gouvernement, ils sont en pointe là-dedans. Et qu'ils n'ont certainement pas envie que les gens discutent librement. Donc ça devient un espace de flicage, quoi. Et c'est très rigolo, puisque les sites internet qui, pendant un temps, ont commencé à perdre en poids, vous voyez, intéressez-vous à la presse spécialisée, ils ont constaté que les blogs, etc., ou les plateformes de création de blogs avaient perdu de l'influence ces dernières années, en raison de l'influence grandissante des réseaux sociaux. Ben moi, je vais vous dire, si ça continue comme ça, les purges contre tous les esprits dissidents, ou même les commentateurs dissidents, je m'entends, c'est-à-dire les commentateurs non conformistes, tous ceux qui ne sont pas dans la ligne, sont virés systématiquement, signalés, ou ils vont même mettre maintenant, je présume, des algorithmes en place pour, voilà, vous avez utilisé le mot truc et tout, eh ben, les gens vont se dire, bon, bah, ok, d'accord, on veut pas de moi ici, bah, je vais aller ailleurs. Et les gens vont redécouvrir les vertus du site internet, en fait, du site en lui-même. Et c'est la force de Soral, il a son site à lui. C'est un peu la force d'Ève de Souche aussi, bien sûr. Même s'il crée moins de contenu, c'est quand même un site que tout le monde connaît, où tout le monde peut aller. Et bon, bah, dans un, à un degré moindre, bien sûr, démocratie participative, où le but est aussi de, bah, de laisser les, enfin, d'inviter les gens de notre courant de pensée, de pouvoir de dire ce qu'ils pensent, sans avoir un flic, enfin un flic soviétique du KGB, pour les déporter dans le goulag numérique, quoi. Je crois qu'il va y avoir un regain du site et du blog, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, c'est-à-dire ça va se resegmenter dû à, enfin, à cause de l'explosion de ces géants, quoi. T'as les ouais. Twitter et les Facebook qui vont se mettre à épurer pour avoir une ligne politique, politique cosmopolitiquement correcte, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Et ça va créer un vide. Et ce vide-là, il va être rempli, effectivement, peut-être par les sites, peut-être par d'autres réseaux alternatifs qui n'existent pas encore, qui sont marginaux. C'est marginal. On ne sait pas ce qui va se passer pour l'instant. Il y a des nouvelles technologies qui émergent, et la technologie peer-to-peer. Ouais. C'est une vieille technologie, en fait, en soi, ou blockchain, mais qui est prometteuse. Alors, par exemple, vous avez Steemit comme réseau social. Alors, il est encore inconnu en France, Steemit, mais ça prend le peer-to-peer, si vous voulez, et la création de monnaie artificielle, enfin, artificielle ou numérique, comme le Bitcoin. C'est-à-dire que vous pouvez miner, comme on dit, miner. Donc, quand vous créez du contenu sur ce réseau social, vous créez de la monnaie virtuelle avec un nom spécifique que vous pouvez ensuite convertir en dollars. Bon, c'est-à-dire qu'il y a un intéressement, si vous voulez, aux participants au réseau social à participer précisément à ce réseau. Donc, quand vous créez du contenu, quand c'est populaire, voilà, vous êtes rémunéré en conséquence. Donc, il y a des trucs qui existent, qui émergent, parce que le constat est généralisé. C'est pareil pour les plateformes comme YouTube. Moi, j'ai fait la promotion de PewTube. Je vous invite à aller sur cette plateforme. Alors, elle est moins bien, elle est moins sexy que YouTube, etc. Oui, mais vous trouverez moins vos opinions aussi. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore trop radical sur YouTube. C'est-à-dire qu'on va cibler, mais en France, ça va devenir insupportable. C'est-à-dire que déjà, bon, il y a déjà de la censure, mais maintenant, les gens qui veulent vraiment parler franchement des problèmes qu'on connaît, je veux dire, en France ou machin, ou d'expression française en France, sont virés. C'est fini. Je veux dire, les mecs sont bazardés, ils ne peuvent plus revenir, ils sont jartés. Donc, vous allez devoir aller, même si c'est moins sexy, vers des plateformes alternatives qui sont encore artisanales. Alors, il y a PewTube, bon, ça, je la cite, mais sinon, vous avez BitChute, technologie qui demande à être vraiment approfondie, perfectionnée. Pareil pour Steemit. Mais, je veux dire, on vit un peu dans un état d'esprit un peu bizarre, si vous voulez, où on se dit, actuellement, hein, on a atteint le maximum de la technologie numérique par Internet. C'est-à-dire que le Facebook que je connais maintenant, le YouTube que je connais maintenant, ou même cet environnement où il y a Twitter, YouTube, Facebook, me paraît indépassable, ça sera toujours comme ça. Vous voyez, il y a un peu ce sentiment-là, c'est un sentiment que je ressens aussi, et en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que vous aurez des percées technologiques, et les gens iront vers autre chose, je pense, j'ai pas dit que c'était pour tout de suite, mais ils iront vers autre chose pour voir ce qu'ils veulent voir, parce que l'humanité est comme elle est, la nature humaine est comme elle est, les gens sont curieux, et ils n'aiment pas avoir des flics au-dessus de leur épaule pour leur dire, voilà, surtout des flics de la LICRA ou de la DILCRA pour leur dire, attention, elle a le mot nègre, non. Hein. Vous voyez, les gens ne veulent pas ça, quoi, je veux dire, ça ne les intéresse pas. Mais, je vais pousser un peu le truc, c'est-à-dire que Soral, indépendamment de ce qu'on pense de ses idées ou de ses positions, il fait partie des quelques-uns qui essuient les plâtres de la liberté d'expression. Et à ce titre-là, il mérite... il mérite une certaine considération à ce titre-là. Je veux dire, c'est une considération presque technique. Lui et d'autres, d'ailleurs, Vincent Renoir, j'ai envie de le citer aussi, bien sûr, Vincent Renoir, qui essaye tant bien que mal de faire entendre sa voix, vous voyez, mais avec énormément de difficultés. Lui, c'est en plus manger de la tôle aussi. Hein. De la tôle, il est en exil, enfin, il y a quand même des gens qui essayent, si vous voulez, de porter la parole. Et moi, je dis ça à ceux qui nous écoutent maintenant, là. Imaginez un instant que tous vos sites que vous fréquentez, ou vous prenez ce que vous en voulez d'ailleurs, disparaissent. C'est-à-dire, égalité et réconciliation, ça disparaît. F de souche, ça disparaît. Les quelques personnes qui sont sur des réseaux sociaux qui vous intéressent, voilà, maintenant, ils disparaissent. Imaginez, voilà, ils ont tous été purgés, ils n'ont plus de présence numérique. Vous vous retrouvez comme il y a 25 ans ou 30 ans. C'est-à-dire que vous avez France 2, France 3, Le Monde, et vous avalez, quoi. Voilà, France 3 et les mineurs de 47 ans. Les migrants mineurs, machin. Il faut que les gens aient conscience de ça. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est un acquis, que la situation actuelle est un acquis, que ce qui a été créé jusqu'à présent est un acquis et que c'est définitif. C'est pas vrai. Du tout. Donc, pour moi, en premier lieu, la censure qui s'abat sur YouTube et sur ces grandes plateformes qui ont le monopole de fait doit vraiment mobiliser ceux qui sont de nos idées et les faire développer des réflexes alternatifs, notamment de recherche de plateformes alternatives. C'est-à-dire qu'il faut aller plus facilement vers les plateformes alternatives. Il y en a, ça existe, BitChute, je donne un exemple, hein. BitChute, DTube, PewTube, là vous avez trois plateformes déjà, vous pouvez aller vers des alternatives. C'est un exemple quoi. Mais après les réseaux sociaux, il y a d'autres trucs qui vont émerger. Par exemple, équivalent Twitter, il y a Gab. Ouais, Gab n'a pas percé comme Twitter parce qu'il est trop petit public. Par contre, si vous voulez, ça vous permet de créer des espaces alternatifs ou complémentaires, dirais-je, où vous allez pouvoir développer un certain type de discours sans craindre qu'il soit censuré. Donc ça, c'est important quand même. Vous voyez, de pas se lever le matin, « Ah, ce que j'ai fait pendant 4 ans, ça a disparu. Pourquoi ?»« Ah ben oui, Maître Lévy, c'est plein, voilà, il est passé par les arcs. » Ça, il ne faut pas que ça se passe. Et donc, pour moi, hein, il faut soit développer des sites à nous, des blogs ou machin, voilà, où vous allez archiver, mettre le contenu. Et là encore, les hébergeurs ne doivent pas être en France. Soyez pas cons. Il y a des gens, moi je vois des gens de nos milieux, ils hébergent chez OVH. Je veux dire, là je me dis, mais ils sont fous les types, tu vois, ils sont fous. Octave Klaba. Non mais ils sont dingues. Je veux dire, tu es un militant politique, tu n'héberges pas chez OVH, jamais sous aucun prétexte. Donc voilà. Bon, maintenant je vous invite à réagir, enfin à apporter votre truc là-dessus. Parce qu'il y a peut-être des gens en Belgique, d'ailleurs, Fulbert ou Léon. Parce que peut-être qu'en Amérique du Nord, c'est pas du tout comme ça encore. Bref, peu importe, enfin, réagissez là-dessus. Eh ben, si tu permets, je n'ai jamais eu vraiment beaucoup de problèmes avec la censure. J'en ai eu récemment avec Facebook. Pardon. Mais pour le reste, j'ai pas vraiment de problème. Mais il faut dire que je ne tiens pas des propos qui sont énormément controversés à la fois sur mon Facebook ou sur mon YouTube ou dans mon blog. Ce qui fait que je suis relativement à l'abri. Mais je ne te cache pas que, à quelque part, je m'auto-censure. Mon propos n'est pas directement sur des questions qui sont délicates, mais il arrive que je peux les aborder et je fais toujours attention. Maintenant, j'envisage de quitter YouTube, ça fait longtemps que j'y pense. J'envisage de le quitter parce que, par principe, je n'aime pas être obligé de me surveiller ou je n'aime pas cette politique qui consiste à museler un certain point de vue et à mettre l'autre de l'avant. Ceux qui n'étaient pas au courant, Google va engager 10 000 personnes, paraît-il, pour justement faire le ménage dans les réseaux sociaux sur sa plateforme elle-même et dans toutes les dépendances. C'est grave, là. Ouais, 10 000 personnes pour faire le flicage, à l'initiative d'ailleurs de Wojcinski, évidemment, hein, on en a parlé. Ouais, on est vraiment là, on est vraiment à un point crucial. Les gens, et je dirais ça, les gens doivent développer le réflexe d'aller vers d'autres plateformes. On est un petit peu esclaves parce que c'est bien foutu, enfin surtout... Moi, j'ai la chance de... Peut-être que les plus jeunes, les vraiment les plus jeunes, quoi, n'ont pas vu le développement de YouTube comme nous, on l'a vu. Moi, je l'ai vu depuis le point de départ jusqu'à maintenant. Donc, vraiment, quand c'était très artisanal, encore. Parce que au départ, YouTube, ça n'avait rien à envier. Je ne vais pas dire à PewTube, c'était quand même un peu... YouTube, c'était des PowerPoint avec du son, quoi. Oui, c'est ça. C'était très basique. Maintenant, c'est ultra bien foutu, il y a plein de vidéos, et c'est vrai que pour la musique, pour tous ces trucs-là, il y a des trucs extraordinaires, des quantités de reportages. Donc tu peux pas dire, non, YouTube, il faut complètement le boycotter, c'est fini, etc. Non, c'est pas ça. Mais, le problème, ça va... Et là, c'est que... il va y avoir une ligne éditoriale, disons. Et c'est complètement nouveau. C'est-à-dire que ce à quoi on assiste, c'est l'émergence d'une ligne éditoriale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez sur YouTube. On attend de vous un certain type de comportement. Et c'est pareil sur Facebook, c'est pareil sur Twitter. Et c'est la pression des gouvernements, en fait. Hein. C'est ni plus ni moins que ça. Hein. C'est les gouvernements qui disent « Oui, mais nous, on a des problèmes politiques à affronter. Vous devez nous aider à régler ces problèmes. Et pour les régler, vous devez supprimer un certain nombre de personnes, numériquement parlant. » Vous devez les écarter, ces gens-là ne doivent pas s'exprimer, voilà. Bon, c'est de la politique pure et dure, quoi. Donc, et tout ça, ça commence toujours par ce qu'on appelle le shadow banning, c'est-à-dire une sorte de déréférencement dans les moteurs de recherche. Moi, j'ai noté au mois de mai l'année dernière une baisse radicale des visites sur mon blog, et c'était le résultat de shadow banning. On parle de 50% de baisse d'un coup à partir d'une date bien précise. Ça, c'est une première étape. Ensuite, il y a d'autres choses, dont évidemment le bannissement. Ouais, il y a quantité de moyens technologiques qu'ils mettent en place pour ralentir l'afflux de visiteurs sur les sites qu'ils jugent dangereux. En fait. Ouais, c'est la réalité. Hein. Et donc, face à ça... Parce qu'il y a aussi la question du financement. Alors, Litchi, c'était intéressant parce qu'on est au cœur de ça. Tipeee fait des purges aussi. Mais c'est des sites franco-français, quoi. Je pense qu'il faut quand même avoir l'esprit que pour que ça dure... Enfin, c'est impossible de... Peu importe la ligne, hein, d'ailleurs. Mais c'est impossible de produire dans la durée... avec constance un discours critique appuyé sur des documents vidéo, etc., ou comme maintenant on fait des podcasts, etc. C'est impossible d'opposer une résistance sans moyens financiers. Moi, je ne suis pas là en train de mendier de l'argent. Mais c'est impossible compte tenu de ce qui est en face de nous. Je veux dire, on parle de plateformes mondiales qui sont cotés en bourse, etc., qui sont liés au gouvernement, ce sont des mastodontes. Je ne sais même pas d'ailleurs, en fait, comment ça se fait qu'on arrive encore à opposer une forme de résistance. En soi, c'est déjà assez invraisemblable. On devrait avoir disparu depuis longtemps. Et en fait, pas du tout, on est là avec trois morceaux de ficelle, etc., essayer d'opposer une résistance. Et comme je disais, c'est-à-dire que dans la sphère francophone, si vous écartez, franchement, 15, 20, 30 sites... et peut-être, allez, on va dire une cinquantaine de personnes, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'opposition. Il faut comprendre que ça repose sur pas grand-chose. Alors qu'en face de vous, vous aurez toujours des LCI, des France 2, des France 3, des France 5, vous voyez, les ramifications régionales, et ensuite la presse écrite, tout ça étant arrosé de blé piqué dans la poche des Français pour payer des fonctionnaires vraiment, des journalistes de gauche pour baratiner, et ça vous donne effectivement du migrant mineur hébergé par Elisabeth, tu vois, sous le micro et ému de France 3, enfin, ça donne ça quand même. Donc, il faut que les gens comprennent qu'on fait, je ne sais même pas comment on y arrive, parce que c'est vraiment avec des ficelles, voilà. Personnellement, moi, très longtemps, j'ai fait du bénévolat. Et progressivement, c'est devenu de plus en plus envahissant parce que il y en a d'autres hein, que je connais qui font à peu près la même chose. Au début, tu fais ça bénévolement. Et puis, au bout d'un moment, tu passes 12 heures par jour. Quoi. Je veux dire, pour brasser les infos, pour les donner aux gens, pour prendre le truc, parce que pour un article que tu ponds, t'en as lu 12. Tu vois ? Des trucs insignifiants, des trucs, voilà, mais qui... T'as vu le titre, tu t'es dit, il faut que j'aille voir. Bon, plus la recherche, etc. Si t'as envie de faire un article de fond et tout. Ça prend un temps de dingue. Et nous, on n'est pas là, tu vois, ouais, 35 heures tranquillement, les vacances, le bin. Non, alors que tous les autres pigistes de merde, pour pas parler des journalistes encartés, etc., sont ultra protégés. C'est vraiment des fonctionnaires et les gardes de la Révolution, quoi, en face de nous. Hein. Donc, c'est pour ça que quand tu vois ce qu'on a comme moyen, ce qu'on arrive à faire, et que malgré tout, avec nos moyens du tiers-monde, ils estiment que c'est encore trop et qu'il faut mettre toute la force de la répression de ces plateformes, plus l'État, parce qu'il y a les procès en plus. C'est pas juste la censure, il y a les procès aussi. Il y a que la foi qui te fait tenir debout. Parce que sinon, t'y arrives pas. Hein. Donc c'est pour ça, ça paraît pas grand-chose face à cette censure, mais il faut quand même lui faire face, quoi. La lutte continue, chers amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.